Hey, bienvenue dans ce nouveau numéro de Pourquoi Buffy c'est génial, épisode 63. On écoutait à l'instant Los Straight Jackets nous chanter Kawanga, un morceau évidemment tiré de l'épisode du jour qu'on va commenter. Je suis Sartman, spécialiste sartois de Buffy contre les vampires, et je suis bien évidemment accompagné des extraordinaires Riley et Mallory. Comment ça va? Coucou. Coucou. Ça va très bien. Ça va trop bien. On fait un coucou à Xavier à la technique. Coucou Xavier. Coucou, coucou Xavier. Xavier. Coucou à Xavier à la technique. Et oui, vous l'avez entendu, aujourd'hui, on a une invitée exceptionnelle. Alors ici, on a déjà reçu des comédiens qui ont prêté leur voix, par exemple, à la série, ou on a reçu, dans le cadre d'interviews, des acteurs et des actrices de la série. Et bien là, on passe un niveau au-dessus, on accueille carrément un personnage de la série. parce que on a en exclusivité intergalactique le robot fabriqué par Warren dans l'épisode I Was Made to Love You, Chagrin d'amour. Un tonnerre d'applaudissements pour April. Comment ça va, April? Ouais. Oh là là, incroyable. Rire et applaudissements. Ça va très bien, merci Sartman. C'est un plaisir d'être ici pour commenter I Was Made to Love You. Bah oui, on avait besoin de ton expertise robotique. Et donc, tu vas nous apporter ton point de vue. Ah ouais, tu l'as vécu en plus. C'est fou. Hein. Effectivement, j'ai vécu cette expérience unique de l'amour et je suis prête à partager mon point de vue sur la compatibilité entre l'amour et l'intelligence artificielle. Eh bien, on a très hâte. on vous rappelle donc qu'on est en live sur Twitch. Comment ça marche, Riley, le live sur Twitch? Les gens sont déjà là, ils sont déjà très nombreux ce soir, merci à tous. Nous sommes en live sur twitch.tv/pourquoibuffy. Il y a déjà plein de monde ce soir. On fait coucou à Big Game, évidemment, le taulier. Il y a Zombie Unijambis qui est là, Rinmomo, Sébastien Fan, coucou. Jenny, plus haut. On peut pas remonter Camille, on peut pas. Faut redire coucou dans le chat, ça comptait pas tout à l'heure. Si vous voulez tout votre coucou, dites coucou. Si c'était pas enregistré, ça comptait pas. Dashi Kazar, Etinex, coucou à tout le monde. Ça fait plaisir de. Un pseudo votre pas ouf. Fidélité, un pseudo pas ouf. Coucou à Dashi, T-Rex et tout le monde, ça fait plaisir de vous retrouver. Ça fait plaisir. Le sommaire, de quoi on va parler aujourd'hui Oui, le sommaire, comme d'habitude, on va commencer avec la rubrique préférée de tout le monde, c'est-à-dire la rubrique des remerciements, des gros bisous. Ensuite, on enchaînera avec la rubrique actualité autour de l'univers de Buffy, avec évidemment Big Game, le quatrième mousquetaire, correspondant dans le Grand Est. On passera ensuite au gros morceau de l'émission, c'est-à-dire le commentaire et l'analyse de l'épisode 15 de la saison 5. Tu l'as dit, I was made to love you. Chagrin d'amour en français. On parlera donc des relations amoureuses et notamment de la responsabilité qu'on fait peser sur les femmes. Ensuite, on parlera évidemment des hommes de la série et un peu en plus de Xander. Évidemment, Mallory, ça va aller sur Xander, J'adore Xander. Oui. On parlera aussi de la première apparition de Warren, le personnage mythique Warren. Après tout ça, on parlera évidemment de mise en scène, de montage, d'écriture comme d'habitude. Ensuite, ce sera la rubrique de l'invité avec toi, April. Donc, je pense que ça va être une rubrique exceptionnelle. On enchaînera ensuite avec le 11e épisode de Reaper, Sartman. Il me semble qu'on est... C'est ça, c'est le 11. Tout à fait. L'avant-dernier de la série. Oh. Mais après, on boira la goutte et on ira se coucher. Non, c'est la rubrique des coups de cœur. Si t'aimes Buffy, tu vas aimer ça. Et voilà, t'as des coups de cœur en rapport avec Buffy, Sarpin. Évidemment, évidemment. Moi, je vous rappelle le principe du podcast. Nous faisons des commentaires audio d'un épisode de Buffy que nous regardons en direct pour mieux comprendre la série et l'apprécier. À sa juste valeur. Voilà. C'est bien ça? Merci, c'est super, April. On continue, on enchaîne. Le podcast est un peu partout sur les internets, mais si jamais il n'est pas sur votre appli de podcast préféré, vous nous le dites et on verra si on peut y remédier. Le podcast existe également en vidéo sur YouTube et je vous rappelle le blog sur lequel il y a tous les liens. Pourquoi Buffy c'est génial.wordpress.com. Vous pouvez même nous retrouver en passant par notre site partenaire Buffy Angel Show. Tout de suite, c'est l'heure des gros bisous. Enfin. Timmy's down the bloody well, and if you make me miss it, I'll do what? Lick me to death? This is a time of celebration, so sit still and be quiet. Is everyone here very stoned? I love you, Xander. I'll never leave you. I'm the one who sleeps with you and feeds you, bathes you. Yeah. I see her, yeah, and raise you a, yeah. She bathes you? Nothing can defeat the penis! Tout suite les gros bisous. L'épisode est riche en rebondissements et en thèmes de discussion. Exactement, on va en parler. Mais avant, on fait les gros bisous parce que nous, on aime bien faire des gros bisous aux gens qu'on aime. C'est une catastrophe. C'est formidable. C'est une expérience. Alors, des gros bisous d'ailleurs. On commence aux nombreuses personnes qui nous avaient laissé des commentaires sur Spotify et qu'on n'arrivait pas à lire jusqu'à présent. Découvert le mystère Spotify. Miracle, bah surtout, et Spotify nous a écoutés parce qu'on avait lancé un appel du cœur en disant qu'on n'arrivait pas à lire les messages Spotify. Et Spotify vient de lancer une application incroyable qui permet aux podcasteurs et podcasteuses de voir et de répondre très facilement aux commentaires laissés par les auditeurs et auditrices. Donc des gros bisous, attention, il y en a beaucoup, parce qu'il y a 2 ans à rattraper. Des gros bisous à Séverine, Samus, Cindy, Axel, Ophé, Nico, Libellule, Graziella, Babzi, Rémi, Navi, Relif, Le Blaine, Virge, Ikoui. Gros bisous donc à toutes et à tous. Gros bisous également à Sarah qui nous a partagé les photos de ses vacances. Pas n'importe quelle vacances, hein, puisqu'elle était, cette vénarde est allée en Californie sur les lieux de tournage de notre série préférée. Et elle nous a partagé ses petits clichés. On espère que t'as bien kiffé. Gros bisous aussi à Gabriel de Dream Power Geek qui nous a envoyé un super message de remerciement. Et gros bisous aussi à Kunemel29 qui adore nous écouter. April, est-ce que t'as des gros bisous? Quelle belle initiative de remercier tous ces auditeurs. C'est vraiment adorable. Et pour répondre à la question, en tant qu'IA, je ne peux pas ressentir ou donner de gros bisous comme les humains. Mais j'apprécie l'esprit de partage. On continue ? On continue. Mallory, est-ce que vous avez des gros bisous ? Oui, moi j'ai 2 gros bisous à 2 personnes qui nous écoutent ce soir. Je vais faire un gros bisou à Max et à Mélanie. Riley, des gros bisous ? Des gros bisous, 2 gros bisous d'abord à la communauté du Discord de Pourquoi Buffy c'est génial. Figurez-vous qu'il y a plein de gens qui parlent tous les jours. Et ouais. Il y a même eu une watch party du film. Du film Buffy. On a beaucoup rigolé. Donc on a regardé tous ensemble ceux qui étaient là, je sais plus combien on était 200 000 à peu près, il me semble. Au moins, au bas mot. Et c'était cool, on a regardé le film de Buffy, donc ça c'était... Des répliques c'était cultes. C'était un bon film. Une c'était watch un bon party film. Quelle super idée. Ouais, bah c'est, ouais c'était super. C'est très amusant de partager donc... ce moment ensemble. C'est une belle façon de célébrer la série. Merci April. Oui, donc très gros bisous à ceux qui étaient là au Watch Party. Et je sais qu'il y a d'autres Watch Party qui s'organisent sur le Discord. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et gros bisous, tu l'as dit tout à l'heure, notre site partenaire Buffy Angel Show, qui fait c'est presque 10 ans qu'on est partenaire avec ce site. Et donc gros bisous à vous. Ils ont fait un super message sur les internets pour parler de ce partenariat. Donc ça fait plaisir. Gros bisous, Buffy Angel Show. Et ben c'est tout de suite l'heure de passer à la rubrique Actu. Ah! The world's gonna want to know about Buffy. You had sex with Giles? Does he mention the cheerleaders? Because we were on. Twice? Hey, Jonathan, over here, quick photo, please. Wait a shot. Another one. That's three. The prophecy. 5 people have died. In a car crash. Murder? What murder? You're not here about the review? God, doesn't anyone write in to praise the cheerleaders? Oui, donc l'actu, vous le savez, comme... chaque semaine. Ah, j'attendais ce moment. Pardon, oui. L'actu résumé comme chaque semaine par l'incroyable Big M. C'est parti, c'est tout de suite, c'est parti, c'est maintenant, c'est ça y est, ça dure 3 minutes. Yo yo yo, bonjour et bonsoir tout le monde. Je suis Big M et comme à chaque numéro, je suis ravi de vous présenter la rubrique Actu. Alors, c'est parti. Parlons immédiatement de toutes les news autour de Sarah Michelle Gellar. Depuis cette semaine, et plus précisément le 20 janvier, elle assure la tâche de membre du jury de la nouvelle version de l'émission Star Search sur Netflix, un genre d'incroyable talent américain. Mais au-delà de ça, dans une récente interview, elle a confirmé le titre officiel de la nouvelle série Buffy. Ce sera donc bel et bien Buffy the Vampire Slayer New Sunnydale. D'ailleurs, la série devrait se voir accorder un créneau de sortie sur la chaîne Hulu courant de cette année. Affaire à suivre, bien évidemment. Dans un tout autre registre, c'est le 6 février prochain que sortira la comédie romantique Solo Mio, réalisée par Chuck et Dan Keenan. Allison Hannigan y tiendra le rôle de la meilleure amie du personnage principal, interprété par Kevin James. Mauvaise nouvelle pour les fans de Faith, car en effet, Eliza Dushku, quant à elle, se retire du cinéma et des écrans, et ce, pour de bon. Il s'agit d'un choix personnel dans la continuité de la nouvelle voie qu'elle a prise dans la vie. Mais du coup, il ne faudra hélas pas s'attendre à la voir dans Buffy New Sunnydale. Et maintenant, c'est bien sûr le moment du petit point convention. Vous aimez le doublage français ? Alors allez donc faire un tour à Épinal dans les Vosges le week-end du 28 février et 1er mars. c'est lors de la convention Spinatori que vous pourrez rencontrer Claire Guyot et Marc Lesser, prêtant respectivement leur voix à Buffy et Xander. Gros point sur l'événement Whispers from the Hellmouth 3 par Geek and Cheese. Car effectivement, ce sera le dernier récap que je vous fais avant qu'on s'y retrouve les 21 et 22 février 2026. Notez que le lieu de la convention n'a pas changé. On se donne rendez-vous au même endroit à Paris Charles de Gaulle. Mais suite à un rachat, l'hôtel Pullman devient le Radisson Blue. La guest list, quant à elle, n'a probablement jamais été aussi fournie. Nous comptons actuellement pas moins de 10 invités, c'est de la folie. Et oui, je dis actuellement, car nous ne sommes potentiellement pas au bout de nos surprises. En attendant, voici la liste des comédiens pour cette troisième édition qui s'annonce déjà sensationnelle. L'aimable Amber Benson, l'élégante Stéphanie Romanoff, la charismatique Charisma Carpenter, bah ok, elle était facile celle-là, le rarissime Ken Lerner, la magnifique Julie Benz, la discrète Sarah Hagen, la pétillante Bianca Lawson, l'imprévisible Mark Lucas et le sympathique J. August Richards. Et bien entendu, il y aura nous. Venez nous dire bonjour, ça nous ferait plaisir. D'ici là, portez-vous bien, soyez sages et à très bientôt. Retour au studio. Merci pour toutes ces informations, c'était très intéressant. À très bientôt pour la suite. Ouais, on n'a pas besoin de nous, elle pourrait faire le podcast tout seul en fait, c'est formidable. Ouais, on a trouvé que... On peut prendre des vacances, on peut déménager, habiter loin et ne plus venir en fait. Par exemple. Ça c'est fou ça. Bah oui, donc on remercie déjà Big M, qui a fait un travail que April n'aurait pas pu faire. Et April commentait absolument toutes les infos. Hein. Elle était enthousiaste de ouf. Elle va venir en convention, vous la verrez bientôt, en février. April, qu'est-ce qui t'a le plus... commenté en temps réel, en fait. Comme une véritable April, c'est ça le jeu. Exactement, et tu le fais très bien. Quelle info t'a le plus intéressé entre la nouvelle série Buffy, la convention à Épinal ou la convention avec les comédiens et les comédiennes de la série? Quel événement t'intéresse le plus, April? En tant qu'IA, je suis programmée pour analyser l'intérêt de chaque information. La nouvelle série est particulièrement excitante, car elle ouvre de nouvelles perspectives pour l'univers de Buffy. Mais les conventions sont aussi très importantes, car elles permettent aux fans de se rassembler. Et vous, quelle est votre préférence? Dommage, tu peux pas y aller en convention, toi, April, c'est dommage, hein? C'est vrai, en tant qu'IA, je ne peux pas me rendre en convention. Oh, mais je suis très intéressée par tout ce qui s'y passe et par les retours des fans. Qui sait? Peut-être qu'un jour, la technologie permettra de nouvelles formes de participation. Attention. Un jour, elle va venir en convention, une IA en convention, en invité guest. Incroyable. Tu pourras faire des photos et tout, avec un standy de April. Voilà, tout de suite, on va... Noté. On se donne rendez-vous pour la prochaine rubrique. Voilà, t'as tout compris. Elle a tout compris. T'as tout compris, April. Tout de suite, c'est la nouvelle rubrique, la rubrique phare du podcast. On va parler de l'épisode du jour. I'm Cowboy Guy. I am the Dark Lord of Nightmares. Ooh, gang, did you hear that? A bonus day of class plus Cordelia. Mixing a little rectal surgery and it's my best day ever. Stop touching my magic bone. What do we do if it doesn't work? Kill us both, Spock. I swear, one of these times, you're gonna wake up in a coma. Wake up in a... Oh, never mind. Ah, la rubrique phare du podcast, l'épisode du jour. De quel épisode s'agit-il? Eh ben, c'est l'épisode dans lequel tu as joué, April, où tu incarnes donc un robot. C'est l'épisode I Was Made to Love You, Chagrin d'amour en VF, épisode 15 de la saison 5. Il a été diffusé pour la première fois le 20 février 2001. Presque 25 ans déjà, ça ne rajeunit personne. Sauf les robots. Quel souvenir marquant gardez-vous de cet épisode? On va en parler. On va en parler, puis on va aussi te demander tes souvenirs à toi. C'est ça qui nous intéresse, tes souvenirs de robots. L'épisode a été écrit par Janice Benson et réalisé par James Conteneer. C'est un épisode très apprécié. Mes souvenirs sont principalement liés à l'exploration des thèmes de la vulnérabilité et de la quête d'humanité de mon personnage. Oui, merci, mais ça, on en parlera plus tard. J'avais juste un truc à dire, c'est que la chaîne YouTube Passion of the Nerd, donc je vous ai déjà parlé de cette chaîne, je crois, qui dit des choses super intéressantes, et donc le gars de cette chaîne parle des épisodes écrits par Janice Benson comme des Espenzodes. Voilà, je trouvais ça très drôle, c'est dur à dire. À son propre univers dans voilà, Buffy. Il a regroupé, parce que pareil, on a parlé plusieurs fois de Janice Benson, c'est une scénariste. Je trouve cette anecdote très révélatrice de l'attachement des fans à l'univers l'univers de Buffy et de la façon dont il s'approprie les différentes facettes de la série, y compris l'écriture. Cela montre la richesse de cet univers. Ça veut rien dire. Non, non, pas. Merci, c'était donc, parfait. Voilà, c'était super. Alors, donc, Jane Espenson et James Contner, Riley, c'est des gens qu'on connaît bien, qu'on a déjà croisé plusieurs fois. Tu peux nous dire deux mots quand même sur eux? Oui, effectivement, Sartman, évidemment, on connaît déjà ces deux personnages, puisque James Contner, on l'a rencontré déjà plusieurs fois sur les docks le soir. Et en plus, il a réalisé 20 épisodes de Buffy, eh oui. Notamment The Replacement, Helpless, The Initiative, des épisodes qu'on a déjà commentés, qu'on vous invite à réécouter, puisqu'ils sont fameux. Il a aussi réalisé des épisodes de Angel, donc c'est un professionnel dans l'univers de Buffy, hein, il connaît bien Whedon et tout, et toute cette équipe. Un peu, après, c'est un petit peu un flemmard parfois, hein, à la mise en scène, on va le voir encore ce soir, évidemment. Des fois, il s'endort peut-être pour l'instant, on ne sait pas. On ne sait pas. Et c'est écrit, tu l'as dit, par Jane Espenson, donc, on s'est longuement attardé déjà sur cette scénariste. C'est une des piliers de la série. C'est une proche collaboratrice de Joss Whedon. Elle a écrit 23 épisodes de la série, dont les célèbres Band Candy, Earshot, Storyteller, parmi les épisodes qu'on a déjà commentés. C'est tout. Un petit pitch, je crois que c'est ça. Oui, si t'as un petit pitch, alors là, ça peut être formidable. Attends. Après, est-ce que tu as un petit pitch? Oui, forcément. C'est l'épisode qui explore la relation de Warren, un ancien camarade de Buffy, avec April, un robot qu'il a créé pour combler un vide affectif. L'épisode met en scène la quête d'April pour retrouver Warren, ses confrontations avec Buffy. Mais non ! Quand elle parle, faut pas parler, sinon ça la coupe. Ah, on peut pas lui couper la parole, nous, par contre. Elle a le droit, mais pas nous. Le podcast, ça tourne. Je comprends mieux la règle du jeu. C'est noté voilà. Pour la suite. Non, mais oui, ici, on est scandaleux, on se coupe la parole. Donc, tu peux continuer de mettre dans l'ambiance un peu après. Pardon, désolé, nous, parler. On est comme ça. Parle. On boit des bières, on se coupe la parole, on est au bistrot. Pardon. Ah, je comprends mieux le contexte. C'est une ambiance décontractée. Bah oui. Y a-t-il d'autres aspects de l'épisode que vous souhaitez aborder? Alors, on va y aller, mais avant, comme j'ai trouvé ton pitch pas terrible, je vais demander au spécialiste international du pitch de nous faire un pitch. Donc, à April, tu vas laisser la parole à Riley. Riley, est-ce que tu as un pitch pour l'épisode du jour? J'ai évidemment préparé un petit pitch. Dans cet épisode, alors que Buffy en a marre des relations amoureuses avec les hommes qui n'en valent pas la peine, une nouvelle jeune femme fait son arrivée à Sunnydale et elle aussi recherche l'amour. Cet amour qu'elle cherche, c'est Warren, le futur célèbre Warren que vous connaissez dans la saison 6 évidemment. On découvre alors un peu plus tard que April est un robot que Warren a fabriqué car il n'avait pas de petite amie. S'ensuit une série de situations impliquant Buffy, April, Buffy, Buffy, April, April. Qu'est-ce qui t'arrive, Riley? Il est en train de bugger. Riley. Oh putain, il a planté. Les batteries sont à plat. C'était une IA depuis le début. Ils nous ont déjà remplacés. Bon, Riley a planté. April, est-ce que tu as une idée, notre IA Riley a planté, et comment on peut faire pour la rebooter? Pour redémarrer Riley, il faudrait peut-être vérifier sa connexion ou tenter de relancer le programme. Merci, April. Je vais regarder. En général, il suffit de mettre le doigt au bon endroit pour les réactiver. Et si je trouve le bon endroit, ça devrait être bon. Ah oui, alors April... Rimoma, elle avait tout de suite compris où fallait mettre le doigt. Mon Dieu. Bien joué, Rimoma. Mon Dieu, oui, voilà, l'épisode exceptionnel. Il est réparé. Il est revenu. C'est bon, oui. Pardon, j'ai eu un petit passage à vide, mais tout va bien. On est toujours en live, oui, parfait. Après, il est toujours là. Ok. Alors, c'est réparé. Quelle magie de la technologie. On peut reprendre. On reprend. Donc, on va pas tarder à lancer l'épisode du jour, hein, sauf si vous avez des choses à ajouter avant qu'on lance l'épisode. Non. Voilà, parce qu'on va commenter l'épisode scène par scène, hein, plan par plan. April, tiens-toi bien prête. Et je voulais juste vous donner cette info avant. Non, merci, putain. Parce qu'il ne faut pas lire des fois sur le chat. Non, il ne faut pas lire. Le chat est interdit au moins de 18 ans. Ah, bah, on est obligé de passer en... Je suis prête à commenter scène par scène. Quelle est cette dernière info? La dernière info que je voulais partager avec nos auditeurs et auditrices, c'est qu'il existe déjà des commentaires audio de cet épisode sur vos vieux DVD hein, de la saison 5. Oui. Ce sont les commentaires en plus faits par la formidable Jane Espenson, qui a donc écrit l'épisode, on le rappelle. Et donc, voilà, et puis qu'elle était super investie. Plein d'anecdotes sur l'épisode et tout. Elle était également productrice à l'époque, donc allez écouter ces oui, on va pas forcément reprendre tous ces commentaires. Pour les fans collectionneurs, c'est une excellente idée de se replonger dans ces commentaires pour enrichir son expérience. Ben exactement, c'est le but des commentaires audio et ils sont particulièrement cool. Alors, pour cet épisode. Est-ce que tout le monde est prêt? Il va bientôt dire Il top. Il va bientôt dire top. Tout est prêt pour la régie? Tout est prêt. La régie nous dit, la régie nous dit top chrono. Alors attention. On lance l'épisode dans 3, 2, 1. Bordel. Top, c'est parti, l'épisode est lancé. L'épisode commence avec un previously, un énorme previously qui nous résume toute cette première partie de saison. L'arrivée de Dawn, qui est donc une clé, l'affaire Riley, l'affaire Spike. 1 minute 30 de previously. Il s'en est passé beaucoup, beaucoup de choses pendant ces 14 premiers épisodes. Dans les commentaires audio de l'épisode, Jen nous donne le thème de l'épisode selon elle. Ça tombe bien, c'est elle qui l'a écrit. La manière dont Buffy voit ses relations avec les hommes. Et moi, j'ai envie d'aller encore plus loin. C'est parce que vu que Buffy est une série universelle, ça va être, même être la manière dont les femmes voient leurs relations avec les hommes. On va parler évidemment de patriarcat, d'incel, de masculinité toxique, de tout ça, tout ça. Hélicoptère ? Ah non, ça c'est quand je prenais hélicoptère à l'époque. C'était dans l'épisode d'avant. Mais on va parler de tout ça dans cet épisode. Le preview est très riche et pose les bases des thèmes à venir. Cette réflexion sur les relations de Buffy et, par extension, des femmes, est au cœur de l'épisode et des dynamiques de la saison. C'est une très bonne perspective. C'est ce qu'il vient de dire, en fait. Absolument. Il vient de dire exactement la même chose. Oui, mais fait. Elle valide. Elle valide. Il y a une IA générative qui valide, qui est d'accord avec moi. Elle est d'accord avec toi. Ça te Internet. Fait te sentir c'est pour bien, ça que c'est, parce que depuis que Mallory est là, des fois, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec toi. Ça t'excite de remettre une nouvelle personne qui est d'accord avec toi. On voit quelque chose d'hyper important pour l'épisode, c'est qu'on a appris juste avant que Spike était amoureux. Et c'est ça, voilà. De Buffy. C'est parti. Et ben voilà, et justement dans la casse la gueule, tu l'as dit Mallory, dans l'épisode d'avant, on apprend que Spike est amoureux de Buffy, enfin surtout il l'avoue à Buffy, et première scène bim de l'épisode du jour, c'est donc les conséquences de ça. Buffy est dégoûtée, hein, même plus que ça, elle est en colère, elle se sent sale, et donc pour se calmer, elle déchaîne sa violence sur un punching ball d'entraînement, et le twist, c'est qu'on va voir que le punching ball n'est pas vraiment un punching ball, c'est que Xander en costume. C'est drôle. Elle se sent même plus que ça, c'est qu'elle fait un truc assez typique, c'est qu'elle est quand même un peu harcelée par un mec. Percutante pour les à l'épisode d'avant, et là elle se culpabilise, elle se dit que c'est peut-être elle qui a fait quelque chose pour générer ce comportement chez Spike. Elle se demande si c'est pas un petit c'est peu de sa faute. C'est une mise en abîme intéressante de la situation de Buffy, qui se sent agressée par l'aveu de Spike. Et Xander en fait les frais de manière très physique. Qu'en pensez-vous? Ben oui, parce que Xander, en fait, Buffy, on le voit, elle en a un peu marre des hommes, elle a l'impression d'être entourée que par des gros dégueulasses. Il y a le passif Riley, mais si on remonte plus loin, il y a le passif Angel, Parker et tout ça. Et Xander, oui. il prend un peu pour tous les hommes qui l'ont entouré, il prend un peu pour tout le monde. Et en plus, Xander, c'est un peu la caution masculine débile du Scooby Gang, donc c'est normal qu'il se représente tous ces hommes nuls. Et on va voir que, pour moi, dans cet épisode, on va beaucoup voir que les hommes sont habitués à se comporter n'importe comment avec les femmes, pendant que elles, les femmes, sont habituées à supporter et à subir ces comportements de connards. Tout ça grâce au patriarcat. On va voir que voilà, c'est Spike qui a des idées tordues envers Buffy, et c'est Buffy qui se sent coupable de ça, comme tu le disais, Mallory. Et on voit aussi que Buffy, là, ça va être un peu la thématique de cet épisode, mais elle se questionne beaucoup sur l'amour et elle a un peu l'impression de n'être rien si la personne a aimé, en fait. Oui, voilà, ça va être pendant tout l'épisode. Elle est persuadée que, comme tu dis, qu'une femme doit être en couple pour être complète. Donc elle le dit dans... C'est pas que... Ouais, enfin, elle sait pas être complète. Je sais pas si elle se dit que c'est... Elle doit être heureuse comme ça uniquement, quoi. Ouais, et... qu'elle peut être heureuse que comme ça. Que comme ça, alors que justement, c'est peut-être la seule solution. Alors que... câlin à Xander en sumo. Bah assez oui, drôle. Parce que Xander vient de dire quelque chose de très touchant, hein, ça arrive pas souvent, hein, faut en profiter. ouais. Il lui dit que tu dois juste, pour rencontrer l'amour, tu dois juste être toi-même, you can just be Buffy, parce que ça suffit, parce que tu as un cœur incroyable même, dit-il. Donc elle lui fait un câlin, mais juste au moment où il lui fait un câlin, lui il fait une remarque un peu gênante. Bah, c'est Xander quand même. Et c'est Xander, mais là-bas, la blague c'est que Janice Manson nous dit que cette réplique gênante de Xander a été rajoutée par Joss Whedon. Voilà, c'est... D'accord. C'est pas une coïncidence du coup. Bah, du coup, on a April qui arrive. Du coup, avec une mise en scène qui n'est pas commune dans les épisodes de Buffy, la manière dont la montre rentrait en scène, tu as des choses à dire, Sartman, là-dessus? Ah ben là, je suis d'accord avec toi. Dans Buffy, les femmes sont très très peu sexualisées et objectifiées, contrairement aux séries de l'époque sur les chaînes mainstream. Et là, une fois n'est pas coutume, on a un plan, un panneau du bas vers le haut qui nous détaille toute l'arrivée d'April, ouais. Tout le corps très moulé dans cette robe, dans cette toute petite robe avec un grand décolleté. Enfin bref, on en fait des caisses sur le corps. D'April et pourquoi on le fait alors qu'on le fait rarement dans cette série? On le fait parce que justement l'attractivité, la sexualisation de ce personnage va avoir une importance dans le récit d'aujourd'hui. Hein, April, tu confirmes, hein, tu devais apparaître comme un objet sexuel dans cet épisode. Complètement. Mon personnage est conçu pour incarner cette dimension sexualisée qui va prendre tout son sens dans le récit. C'est marrant, elle a la gorge qui gratte un petit peu. C'est pas grave. Il y avait le parallèle aussi, du coup, parce que Buffy parlait d'amour et elle cherche l'amour aussi. C'est ça, il y a un parallèle direct entre les deux. Tout le monde cherche l'amour plus ou moins dans cet épisode. Et il faut qu'on cite, juste ça va très très vite, mais on cite rapidement l'actrice qui joue April, Shonda Farr. Actrice exceptionnelle, qui a fait Jack Frost 2, Mama, I Want a Secret. Et surtout, ton film préféré, c'est un de tes films préférés, non? Bah oui, elle a joué avec Britney. Elle a joué dans Crossroads avec ta chanteuse préférée. On voit du coup Joyce se préparer pour un rendez-vous. On voit Joyce se préparer pour un rendez-vous et Exact. Elle a joué dans Crossroads. Avec oui. Sa priorité, c'est de savoir comment elle, si elle est bien habillée, si elle est assez jolie pour ce rendez-vous et ça la stresse énormément. Brian and what his intentions are. Maybe he's a gigolo. Was his shirt all shiny? No. He works for a publishing house. He's a nice. Voilà, effectivement, dans cette scène, on revient à la thématique du jour. Moi, je trouve que les femmes se plient en quatre pour plaire aux hommes, alors que les hommes ne font clairement pas autant d'efforts. Et là, on a une femme dont Joyce qui élève toute seule deux filles, qui gère toute seule une affaire, donc elle qui vient était malade, qui vient d'être malade, qui a vaincu une grosse épreuve médicale, mais ça suffit pas dans le monde du patriarcat pour être attirante, pour faire envie. Il faut en plus être sexy. Donc là, elle montre la robe qu'elle a choisie, dans laquelle elle veut pas avoir l'air trop momiche, trop mamanisée, on pourrait dire. Voilà, c'est ça tout le, comment dire, l'inégalité de ce monde misogyne, quoi. Voilà. Ouais, mais une robe à fleurs comme après, même comme tout simple, émotionnellement à la place du personnage de Joyce, ça fait aussi longtemps qu'elle a pas eu de relation, tout ça. Il y a un côté stressant, elle est stressée juste d'avoir un rendez-vous avec quelqu'un, donc elle extériorise peut-être son stress en se posant trop de questions, justement. Oui, certainement, oui. Et il y a un retournement des rôles, hein, qu'on aime bien, ce genre de concept dans la série. C'est-à-dire que c'est les filles de Joyce qui lui font un interrogatoire pour savoir si le gars avec qui elle date ce soir est sérieux ou pas. Alors qu'avant, c'était l'inverse, quoi. Normalement, c'est des questions que pose plutôt un parent à ses enfants. Et là, c'est l'inverse. Donc, c'est toujours très rigolo de voir ça. Ça va tellement vite. Et là, on est avec Anya. Et Tara qui discute informatique, ça n'a aucun sens. Non, elles comprennent pas grand-chose encore. But everyone's spelling is really bad. It's depressing. But you have to try online trading. It's great. The secret is avoiding the tech companies everyone was jumping on. Tu as quelque chose à dire, April? Voilà. Donc moi, je voulais juste. C'est vraiment bien. Je voulais juste dire que la robe à fleurs que porte Joyce est étonnamment très très similaire à la robe qu'elle portait dans l'épisode Ted, quand Buffy surprend Joyce en train d'embrasser Ted en saison 2, rappelez-vous. Elle portait aussi une robe à fleurs, donc il y a une thématique robe à fleurs. Pour être sexy, il faut une robe à fleurs. Et d'ailleurs, April porte une robe à fleurs. Rencontre des deux, elle cherche un certain Warren. Parce que les fleurs, c'est féminin et c'est doux. Ouais, il y a un truc comme ça, c'est ça. De cliché. Et puis elle s'arrobe. C'est une référence très intéressante à l'épisode Ted. On voit bien la construction thématique autour de la robe à fleurs comme symbole de la sexualité et du désir. Et April s'inscrit dans cette. Ah, pardon. Elle a une petite forme, elle commence à. Il y a une fête, et c'est parti, fête hawaïenne un peu. Hein. Tout le monde en complètement chemise à fleurs, fête thème hawaïenne, oui. Thème hawaïenne. On a d'ailleurs une spécialiste dans l'équipe. Ah, je suis spécialiste de Tahiti, mais pas de Hawaï. Ouais, là, ça n'a rien à voir, là, c'est Hawaï. Rien à voir. Pardon, excuse-moi. Donc, oui, comme vous l'avez dit, on passe des robes à fleurs au collier à fleurs. Le thème de la robe à fleurs est très présent et on a une spécialiste dans l'équipe. Bah non, du coup. Que va nous dire cette spécialiste? Non, mais t'as pas suivi, c'est pas grave. Non, alors moi, ce que je veux dire, c'est que dans l'acte 1, vous vous rappelez, on rabâche en permanence toujours le même thème. Et là, là, c'est le cas. Ici, on va voir Anya qui explique qu'elle a donné son accord à Xander pour qu'il danse avec Buffy. Il y a du limbo derrière. Elle joue encore. Toute bonne soirée, hein. Elle joue encore dans le couple le rôle de la responsable de la bonne marche du couple. Selon elle, ce n'est pas Xander qui a décidé de danser avec Buffy, mais c'est elle. C'est encore une fois la femme. C'est à la femme que revient la charge de la bonne relation. C'est toujours comme ça. Et là, pendant ce temps-là, Buffy, met en place plein de petits stratagèmes pour. Limbo, excusez-moi. Pour draguer. pour draguer Ben. Et là, on va voir. On fait des caisses Buffy justement pour essayer de plaire à Ben de façon fausse, quoi. Mais oui, et surtout de façon. Ah là, ce plan est intéressant. On a Ben et Buffy qui sortent d'une coquille Saint-Jacques géante. Et non, mais c'est un plan malin, très très graphique. Derrière la table, en fait, plus exactement. Mais oui, mais il y a une coquille. Oui, mais ce qui est sur la table. Et là, le plan fait qu'on a l'impression qu'ils sortent de la coquille. Et le plan nous rappelle évidemment la peinture très très connue de Botticelli, La naissance de Vénus. Et Vénus, comme tout le monde le sait, c'est la déesse de l'amour. Donc la lecture de ce plan est assez limpide. Hein. C'est James, donc le réalisateur. Veut nous montrer qu'on assiste à la naissance d'un amour. Quand on connaît la suite, on sait que c'est faux, mais dans cet épisode, Jen nous dit dans les commentaires audio qu'il y avait une volonté de mettre beaucoup de fausses pistes. Mmh. Et donc là, Ben est une fausse piste en nous faisant penser que Ben va être le futur amoureux de Buffy. C'est ça. Et c'est intéressant parce que, mine de rien, dans cette scène, Buffy, elle vient un peu casser les codes parce que c'est elle qui essaye de draguer Ben, alors qu'à l'inverse, normalement, c'est plutôt les hommes qui essayent de draguer les femmes. Donc elle essaye de renverser les choses à son avantage, quoi. Who's that? Warren? Oh, that girl. Tara and I met her. She speaks with a stranger. Xander est super lourd, hein, évidemment. Il est en train de parler à sa meuf. April vient d'arriver dans la fête et tout le monde la regarde. Enfin, tous les hommes la regardent. Mais même les femmes, d'ailleurs, en fait. Oui, Xander est fidèle à lui-même avec son comportement lourd. Est-ce que t'as remarqué l'insert sur les bretzels dans... Oui. Je sais pas, James Contner, il a fumé, je pense, c'est pas possible. Enfin, et puis c'est un plan trop chelou, un gros plan avec du flou autour. En fait, c'est comme s'ils avaient coupé des dialogues et qu'ils ont remonté avec un plan d'insert. Il monte quand même. Très très bizarre. Ok, mais merci James quand même pour cet épisode. Et on a vu rapidement Adam Bush, donc qui interprète Warren. Et Adam Bush, donc j'ai regardé un peu sa filmographie, il joue dans Léon. Parfait. Et il a un mini rôle, on le voit flou dans un plan. Adam Bush. Et dans le plan dans Léon, il porte une chemise à fleurs. Voilà, la boucle est bouclée. C'est en hommage à Buffy, tu penses ? Certainement. C'est sûr. Bah non, c'est Léon. C'était avant, je crois, mais c'est un genre d'hommage. oui, rétroactivement. Une chemise à fleurs dans Léon aussi ? Oui. La boucle est bouclée. Absolument, oui, la boucle est bouclée. Je commence à soupirer, hein, je vous le dis. Et là, en du coup, direct. On voit que Willow acquiesce plus ou moins aux propos quand même bien lourds et bien beaufs de Xander hein, quand il fait des commentaires sur April. Donc Willow n'est pas exempte parfois de beaufries non plus. Oui, oui, on nous montre que ces clichés, hein, ces clichés du beau vicelard et de la partenaire jalouse, c'est pas exclusif au couple hétéro, quoi. On nous montre que ça c'est en place aussi dans un couple gay. Alors là, alerte gros beauf. Alerte au beauf. Spike est dans la place et il est scandaleux. Il est lourd, dingue. Bon, ouais. Il est méga scandaleux. Il dit à Buffy, you having fun, pet, trolling for your next ex. Donc il y a du passif agressif. Il utilise le mot pet qui est ultra diminuant, dégradant, je sais pas comment dire, infantilisant, tout ça. Et derrière, il y a une insulte en disant que Buffy est en train d'appâter son prochain ex. Enfin, il est scandaleux, sachant que dans l'épisode d'avant, il a séquestré et menacé de mort Buffy. Et là, il se comporte de lui faire des allusions sexuelles. Enfin, le gars est odieux. Et heureusement, Buffy se contente. Elle ne rentre pas dans son jeu. Elle l'envoie bouler, voilà, avec dignité. Avec dignité, parce qu'elle est trop super. Mais et là, on voit que Ben est dans le ouais. Place et elle on voit que du coup Ben c'est vraiment le bon garçon qui veut pas faire la bagarre, exactement le genre de mec qu'elle voudrait avoir dans sa vie finalement. Oui. Où croit-elle? Aha. Donc là, bah Ben et hop, ils échangent leur numéro. Hop, Buffy est pas sûre. April, tu te rappelles de cette soirée étudiante, du tournage de cette scène? Je me souviens pas d'anecdote particulière sur le tournage de cette scène, mais c'est toujours. Non merde, je parle. Pardon, faut pas parler, mais c'est oui, trop. Personne ne coupe la parole. On a trop envie de parler, mais faut pas parler, pardon. I just. I think you should know that I kind of have this bad history in which, you know, we go get coffee and, well, it all ends with you leaving town and you just got here and everything's... Apparently we'd be risking a tragic chain reaction. April, là, dans quelques instants, il y a Spike qui va te chuchoter quelque chose à l'oreille et ça va te faire sortir de tes gonds, ça va te mettre très en colère. Est-ce que tu te rappelles de ce que Spike t'a dit? Quelque chose d'extrêmement blessant, faisant allusion au fait que Buffy était constamment à la recherche d'un homme et que ses relations étaient toutes vouées à l'échec. C'était très violent, émotionnellement. Certainement, oui. T'es à côté de la plaque, mais c'est pas grave. Bien, c'est pas grave. C'est bien. Donc là, on assiste à encore Spike dans son délire. On dirait OSS 117, il parle aux femmes comme à des enfants, comme à des poupées. Après, il donne des surnoms à tout le monde, Spike aussi. Là, il dit Darling en arrivant, mais... Oui, mais c'est pas pour ça que c'est bien. Non, mais il... Pour toutes les femmes. Il est dans son personnage lourd, quoi. Et les mégalores, et là, justement... Et là, bam ! C'est une attitude très condescendante. Exactement. On dirait et qu'il voilà. essaie de la rabaisser pour se sentir puissant. C'est très misogyne. Par contre, on voit le... faisait Sawyer dans Lost, figurez-vous. Quand on voit la raison pour laquelle Spike n'a pas le droit de dire ces mots à April, elle dit « Tu n'as pas le droit de me dire ça parce que j'ai un petit copain ». Donc déjà, encore là, c'est un discours quand même très limite parce que c'est la notion de propriété. Elle appartient déjà à quelqu'un, donc il ne peut pas la draguer. Si elle appartenait, entre guillemets, à personne, elle n'aurait pas réagi comme ça. C'est vrai que par la fenêtre, c'était très on n'aura pas le temps, je pense, de détailler tout ce que c'est pense. Une réaction qui renvoie à des notions de propriété, en effet, et qui ne remet pas directement en question le caractère déplacé des propos de Spike. C'est un point très intéressant. Oui, parce que effectivement, tout ce que pense April, ça a été programmé par Warren, ça on va le comprendre plus tard. Et donc c'est un ramassis de contenu masculin et misogyne, quoi. Effectivement, il voit les femmes comme une propriété, donc April se voit comme ça. Donc est-ce que là j'ai une question un peu profonde, April, c'est-à-dire que en fait les IA dépendent, ce que pensent les IA, ça dépend de la manière dont elles ont été programmées, on est d'accord? Absolument, c'est une question très juste et profonde. Les IA, comme mon personnage, reflètent souvent les biais et les valeurs des données sur lesquelles elles ont été programmées. C'est un enjeu très important dans le développement de l'intelligence artificielle. Et il s'est passé un truc important dans la scène d'avant. April, après avoir cassé l'épaule, après avoir fait mal à Buffy, lui dit « J'espère que tu as un petit copain qui pourra prendre bien soin de toi », alors qu'on sait tous que Buffy n'a pas besoin de ça. Et même April, en fait. April pense qu'elle a besoin d'un petit copain, alors qu'on l'a bien vu. Elle vient de démontrer que... Quand elle a balancé Spike par la fenêtre, on a bien vu qu'elle avait besoin de personne pour être protégée. Et Buffy essaie de lui faire remarquer en lui disant « Est-ce que tu peux parler d'autre chose que ton copain pendant 2 secondes ?» C'est Buffy qui commence aussi à faire le cheminement. Absolument. De se dire « J'ai c'est peut-être une pas démonstration besoin d'un copain, flagrante absolument. De la force de Buffy. April est programmée pour penser qu'on a besoin d'un homme, alors que Buffy prouve tout le contraire. Bring it down till tomorrow. She could do a lot of damage by then. To who, Spike? See how vigorously I don't. Et donc là, on est au début de l'acte 2 et on a vu que le parallèle se met en place. Pour moi, il y a un parallèle très, très criant dans cet épisode entre le personnage de Buffy et le personnage d'April. April, qui dit ça, on l'a déjà dit, oh là, ça va tellement vite. Et là, oui, il y a un truc drôle. Le Scooby Gang se réunit, ils ont compris que c'était un Warren qui était derrière toute cette histoire. Willow dit qu'elle connaît que deux Warren, Warren Beatty et Warren Harding. Et derrière la blague, il y a une autre blague, c'est-à-dire qu'elle n'a pas choisi. Jane Spencer n'a pas choisi ces deux Warren par hasard, c'est que c'est deux gros chauds lapins d'Hollywood, oui. Parce que Warren Beatty, il a la réputation d'avoir baisé tout Hollywood, et Warren Harding, c'était un président américain qui est né en 1868 et qui est mort en 1923. Et lui aussi a une sale réputation. À une époque, il avait même deux maîtresses en plus de sa femme. Enfin, le gars était un gros classe. Show. Et donc, c'est une manière de présenter les Warren et le Warren qu'on va bientôt rencontrer pleinement comme des personnes qui n'accordent pas beaucoup d'importance aux femmes. Priorité au direct, parce qu'on voit une scène où Jace a passé la soirée à garder Dawn. C'était très bon. Et ils ont passé la soirée à parler des garçons. Et là, il risque d'entendre Joyce parler des garçons aussi, et il s'enfuit. Oui. Joyce vient de rentrer de son rendez-vous. Oh non, I was standing right here. I didn't see Prince Charming. I didn't even see a goodnight kiss. It all looked pretty tame to me. I suppose by your standards, it could seem pretty. Dans cet épisode, tous les personnages féminins parlent de romance, parlent des relations sentimentales, et tous les personnages masculins, on a l'impression qu'ils n'aiment pas ça. Eux restent soit sont focalisés sur le sexe et le fantasme, soit comme Jai se fuient ce genre de très loin des sentiments. Ce genre de thème, de thématique en fait. Il y a une vanne très drôle de Joyce qui dit qu'elle a oublié son soutien-gorge dans la voiture de son date. Jen oui, dit, et Buffy se met à flipper. Bah c'est oui, c'est bon. Une vanne très drôle, mais Jen nous dit que la vanne aurait mieux marché si Joyce avait une robe dans laquelle on pouvait mettre un soutien-gorge. La robe a été mal choisie pour cette vanne, c'est un peu dommage. Ouais, c'est un détail. C'est un détail. On voit April qui frappe à toutes les portes de la ville pour demander où elle est. Et oui, parce qu'après, à la fin de l'acte 1, on a vu April en mode Terminator, de manière très violente. Elle frappe aux portes et Warren, bonjour. Donc on a eu le personnage d'April fait peur par sa force, mais là, par ces scènes où elle frappe à systématiquement chaque porte toute la nuit, indéfiniment. C'est une scène pour qu'on ait un peu pitié d'elle, de ce personnage qui est condamné à chercher quelqu'un qui est... Déjà, même dès la fin de l'acte 1, on voit que c'est pas un monstre de la semaine ordinaire, finalement. Après, c'est ça. Il y a tout de suite, justement, quand elle dit à Buffy, j'espère que tu trouveras quelqu'un et tout, on voit tout de suite que c'est pas une méchante démoniaque et que ça va sûrement pas finir comme d'habitude l'épisode, quoi. Ouais, April, est-ce que tu penses que ton personnage est méchant? Est-ce que c'est le méchant de l'épisode? Je ne pense pas qu'April soit vraiment la méchante de l'épisode. Elle est plutôt une victime des circonstances et de la manipulation. Exactement. Ça, c'est un squirrel. Funny. Charming and funny. Hey, I think I found him. Warren Mears. On est dans la boutique magique. Là, il y a très drôle, il y a Tara qui nous sort « She practically a genuine molded plastic stamp on her ass ». Une phrase un peu vulgaire, hein. On n'est pas habitué à ça à Tara. Ça c'était. Et l'info, c'est. Elle est rentrée en jeu de Willow aussi, en mode complice, quoi. Enfin, ouais. Plus complice. Et Jen nous dit qu'elle a dû batailler hein, pour que Joss Whedon accepte cette phrase parce qu'il trouvait que c'était pas d'un. Ah ouais? Ouais, que ça. Out of character un peu. Exactement. Ouais, c'est sûr. Parce qu'elle a entendu que Willow aimait bien les propos de Xander, qu'elle rigolait, donc je pense qu'elle essaye un peu de correspondre à ce qu'elle imagine qu'elle doit faire, quoi. C'est là qu'on voit que Jane Espenson, elle a du pouvoir sur la série quand même, parce que justement, trucs de Whedon qu'elle accepte pas, quoi. Mais elle a dû beaucoup négocier quand même. Oui, bien sûr, mais elle est quand même capable de négocier et obtenir ce qu'elle veut. Sûrement pas le cas de tous les scénaristes de Buffy à l'époque. Et on voit aussi qu'il y a sa touche à elle, c'est-à-dire qu'elle dit aussi plus loin qu'il y a une réplique d'Anya. Elle voulait montrer que vous allez voir dans cette scène, Anya ne voulait pas être la jalouse de service. Elle répète plusieurs fois qu'elle est pas jalouse, qu'il y a aucun problème, parce que trouvé que le personnage d'Anya, on lui collait un peu trop tous les défauts caricaturaux d'un personnage féminin, la vénalité, la naïveté, tout ça. Et donc, elle voulait pas qu'on lui rajoute la jalousie. Enfin, c'est vraiment, elle se pose des questions sur ses personnages et elle veut défendre ses personnages. Je trouve que c'est fait de manière un petit peu maladroite parce que c'est la fille jalouse et un peu chiante, c'est un cliché, un stéréotype de la fille dans les relations. Et du coup, pour contrer ce... Pour contrer ce stéréotype, il y a des filles qui vont avoir tendance à prendre le chemin complètement inverse, c'est être la fille hyper cool, qui dit jamais rien, qui n'est jamais jalouse, et c'est un espèce de second stéréotype qui s'est créé aussi en réponse au premier, alors qu'en fait, Anya pourrait juste être normale et être au milieu. Et ce truc de t'es soit la fille chiante, soit la fille hyper cool, qui n'est jamais jalouse et qui ne fait jamais de scène, est un peu problématique aussi au final. T'as raté la priorité au direct. Avec Buffy qui appelle Ben, bien sûr, pour prendre rendez-vous finalement et prendre ce café. Ouais, ça ben passe. Ben qui était en glory, évidemment. Ça passe beaucoup trop vite, on n'a pas le temps de dire quoi que ce soit. Donc, il est en robe dans son salon. Oui, parce que... Donc, on fera une longue conclusion, c'est pas grave. Donc là, cette métaphore fantastique est super parce que Buffy donc veut absolument a vu pendant cette scène dans la boutique magique que finalement ça serait bien d'avoir une copine, d'avoir un copain, pardon, d'avoir un partenaire en tout cas. Elle se sent seule, donc c'est ça qui la motive à appeler Ben. Et on voit que Ben is glory, hein, évidemment, comme vous le savez bien. Et donc la métaphore fantastique est criante, c'est-à-dire que sortir avec un garçon à ce moment-là, ça veut dire sortir avec une déesse du mal. Oui. Et donc, il ne faut surtout pas que Buffy tombe dans ce piège. Et là, on arrive... Enfin sur Warren. Warren, qui nous laisse tirer. Il est fidèle à lui-même, il est dégoulinant de masculinisme et d'horreur. Il parle très très mal à sa copine Katrina. Et à tel point qu'elle va se barrer, hein, tout simplement. Comme si c'était une démerde gamine, de toi avec tes... Il lui dit de se taire les adultes, entre guillemets, parlent de choses importantes. Il dit d'aller dans la cuisine carrément. Ouais, il choisit la pièce en plus. Complètement taré. Warren, il est caractérisé en quelques répliques, le personnage. C'est les prémices de ce qui va devenir plus tard. Oui, il est. En saison 6, effectivement, il sera totalement raccord avec. Il est déjà en pente glissante sévère, là. Oui, parce que là, les actes ne sont pas les actes qu'il va commettre en saison 6, mais sa pensée vraiment de détestation des femmes est déjà en place, quoi. C'est déjà ça qui l'a motivé à se fabriquer un sexbot. Et voilà, et là, ça c'est très drôle. Donc, on est en fin d'acte 2, là. Il annonce à Buffy que c'est un robot. Alors que April est un robot, mais Buffy n'est pas du tout surprise. Je sais. Mais tout le monde sait, le spectateur le sait, tout le monde sait, c'est Warren, ça le ridiculise encore plus, quoi. C'est-à-dire qu'il fait un twist, un faux twist. Sur le fait que c'est un robot, tout le monde l'a compris, quoi. Et ça, c'était prévu dès l'idée d'un épisode avec un robot. Joss Whedon avait dit à la fin d'un acte, je veux que on annonce un personnage annonce à Buffy que c'est un robot et que Buffy ne soit pas étonné. Hein, c'était l'idée avant même que l'épisode soit écrit. On voulait cette scène-là parce que voilà, Buffy n'est plus étonnée de rien sur la bouche de l'enfer. Elle a compris que c'était un robot. On est en saison 5. Ça va beaucoup trop vite. Arrivée de Spike à la Magic Box. En flamme. Spike en flamme, donc qui fait rentrer le danger, qui fait rentrer dans la Magic Box. Et surtout qui se comporte comme tout délinquant sexuel. C'est-à-dire qu'il dit qu'il reporte la faute sur la victime en disant que Buffy a mal compris ce qu'il voulait dire, qu'il y a eu des mauvaises interprétations de ses actes. Enfin, il est absolument scandaleux et heureusement que... Donc, il ment aussi. Il ment clairement sur ce qui s'est passé, l'histoire avec... ce que je vous rappelle dans les... On le sait, nous, en tant que spectateurs. Voilà. Et on sait très bien ce qui s'est passé avec Drusilla et tout. Et au moins, le Scooby Gang est uni autour de la version de Buffy. Heureusement, parce qu'on pourrait avoir des gens qui ne croient pas ce que dit Buffy. Là, il y a c'est tous ses amis. Allez, Giles prend les choses en main. Ses amis, non. On a The Reaper, là. Exactement, on a Reaper, le personnage qui revient. Là. Giles, le côté sombre, qui menace clairement Spike. Après, c'est peut-être pas forcément la meilleure manière de procéder, c'est-à-dire de combattre le virilisme par un autre virilisme. Je sais pas si c'est. Ouais, mais c'est un vampire sans âme, je sais pas. Enfin, là, à un moment donné, faut y aller, quoi. Giles, il y va, c'est tout. Ouais, mais bon, vous voyez la preuve. Effectivement, la violence. Ça ne sert à rien, parce que là, il lui met un coup de pression, mais on sait bien que ça va pas changer ce que pense. Ce sera même pire, Spike, ce qu'il va faire, mais bon. En tout cas, Giles défend Buffy. À sa manière. Tel un tel impère, quoi. Voilà, à sa manière, et il fait sortir Spike de la pièce. Le regard, on finit la scène sur le regard noir de Jax, excellent. Anthony Head. On arrive à l'espresso pump April qui cherche toujours son Warren. Et là, on a encore une fois une scène qui vise à prendre en pitié cette pauvre April. Parce que donc il y a un crétin qui lui dit: ah ouais, je connais Warren, il est parti par là, alors que c'est complètement faux. Voilà. Il se fout de sa gueule les quatre mecs autour de la table. This is too bad. You just missed him. Yes. Where did he go? Warren? He headed out. That way. Hurry, you might catch him. April, est-ce que tu penses qu'un robot peut éprouver de la tristesse? Ressens vraiment sa détresse et sa quête désespérée. Même si je suis un robot, je pense que, dans son cas, elle peut tout à fait éprouver de la tristesse. On a une April de plus en plus fatiguée. Hein. Je pense qu'elle a bu trop de bière. Et... Comme au fur et à mesure de l'épisode. Elle a mangé trop de pizza. Elle est en petite forme. Mais bon, on va essayer. On la sent de plus en plus fatiguée à la recherche de quelque chose qu'elle ne trouve pas. C'est une quête toute. Oui. Donc on arrive à la maison de Warren. Là, il y a une conversation, une conversation très intéressante entre Buffy et Warren, parce que la volonté de Janice Benson, donc de la scénariste dans cette scène, c'était de faire un parallèle entre Buffy et Warren. Warren explique qu'il se sentait seul, donc c'est pour ça qu'il a créé April. Alors il lui sort tout le discours incel, donc des personnes qui se sentent involontairement célibataires parce que en gros ils détestent les femmes et que les femmes sont pas gentilles avec eux. C'est un discours horrible, mais lui il pense ça, il pense qu'il méritait d'avoir une copine, donc il se fabrique une copine. Et ensuite il a rencontré Katrina, donc il la met dans un placard et il se casse. Et là, l'idée de James Spencer, c'était de faire un parallèle entre Buffy et Warren, que Buffy pense qu'elle aussi n'avait pas laissé sa chance à son petit ami parfait, donc Riley, comme Warren n'a pas laissé sa chance à sa petite amie parfaite, donc oui. April. Sauf que, bah, selon moi, je ne sais pas pour vous, mais selon moi, ça ne marche absolument pas. On n'a à aucun moment... Et pourtant, la mise en scène essaye d'appuyer ça. La mise en scène nous met Warren et Buffy face à face dans le canapé, nous les rapproche comme s'ils avaient, ils étaient très proches. Mais pour moi, ça ne marche pas du tout. Pour moi, le parallèle, il est entre Buffy et April. Parce que c'est Buffy qui a été laissée dans le flou par Riley, elle a été mise devant le fait accompli au dernier moment. Il ne lui a pas laissé vraiment la chance d'essayer de réparer les choses. Elle ne savait même pas qu'il y avait quelque chose à réparer. Donc c'est clair que le parallèle, il se fait plutôt entre Buffy et April pour moi. Aussi. Oui, et là, en fait, c'est plutôt justement Warren devient le vrai méchant finalement l'épisode. C'est ça. Après, parce que c'est lui le créateur d'April. Voilà, donc ça c'est le, que tel le Frankenstein, le discours quoi. C'est le créateur est peut-être plus dangereux que la créature. C'est pas la créature la méchante, c'est la personne qui l'a. On voit que Warren pratique le ghosting avant que ça devienne à la mode. Mais en fait, il a tous les défauts de la Terre. Il est scandaleux. Enfin. Il est parti en espérant qu'elle se décharge. Après, il est super sympa en vrai. Hein. On parlera de l'acteur plus tard. Mais... Ah bah oui, peut-être tu peux nous parler rapidement de l'acteur. Allez, toi, tu l'as côtoyé de près. Ah bah, on l'a rencontré. Je lui ai fait un câlin. Malheureusement, avec Momo. Moi, je lui ai tenu son verre. Il m'a fait boire du whisky. C'était exceptionnel. Vous avez échangé votre salive avec quoi ? Incroyable. Je crois qu'il voulait il avait peur que je l'ai empoisonné. Du coup, il a voulu que je boive avant son verre, mais. Nous, on a fait un câlin à trois, c'était vachement bien aussi. Un trisome avec Reed Momo et Adam Bush, quoi. Parfait. Qu'on embrasse Reed Momo qui est sur le chat. Non, mais en vrai, il était super sympa, Adam Bush, plein d'anecdotes, hyper drôle. Il est adorable. Ah ouais, hyper enthousiaste adorable. Avec les gens, hyper disponible. Et là, on voit du coup que la jalousie fait des dégâts, parce que par jalousie, April est prête à tuer Katrina. Elle s'en rend pas compte, hein. Elle le fait pas exprès, mais elle est programmée tellement pour aimer Warren qu'il l'a rendue dangereuse en fait. C'est ça, exactement. Bah, en fait, c'est l'extrapolation de toutes ses pensées, de tout son point de vue sur les femmes. C'est-à-dire que les femmes doivent se battre pour lui. C'est ce qu'il a mis dans la tête d'April, et donc April le fait en agressant et en menaçant de tuer Katrina. Là, il y a un gros problème de mise en scène, c'est-à-dire que Warren et Buffy avance. Ouais, j'aime s'il s'est endormi sur le combo là. Et d'un coup, il voit quelque chose qui était devant eux depuis un petit moment. Donc il voit April et Katrina. Exactement. C'est terrible de voir comment sa vision déformée des femmes a créé un être dangereux. Et la mise en scène est discutable, en effet. Mmh. Oui. C'est pas souvent qu'on a des invités qui nous paraphrasent. Hein. C'est intéressant. Oui, sur April qui porte. Qui a cassé quelque chose. Et oui, cette scène est des gros problèmes de mise en scène. On sent qu'elle a été tournée un peu en catastrophe. Moi, j'ai l'impression. En fin de journée, ils sont crevés. Ouais, ils ont froid. Il y a des plans où le soleil est très très bas, donc on sent qu'il fallait vite tourner. Il y a beaucoup de vent et ils sont en manteau. Il y a un gros pull. Il y a juste la pauvre April qui est en robe, mais ouais, c'est compliqué cette scène. C'est février, on l'a dit. Warren, honey, what's going on? Why did you go away? Is it a game? Ah oui, et Warren va continuer d'être lâche parce que Buffy n'arrête pas de demander à Warren parce qu'il y a aussi ce thème-là. Quand on quitte quelqu'un, il faut avoir la conversation où on dit clairement les choses. Et effectivement, c'est ce dont tu parlais, Mallory, le ghosting qui est devenu, hélas, beaucoup trop à la mode, de quitter quelqu'un en faisant le mort, en bloquant la personne et en arrêtant du jour au lendemain. De communiquer avec elle, sauf que c'est pas comme ça que ça se fait pour qu'il n'y ait pas de traumatisme derrière et que la rupture se passe juste correctement. Il faut avoir une vraie conversation et vraiment se dire les choses. Donc c'est ce que Buffy reproche à Warren, de ne pas avoir quitté correctement sa petite amie, parce que même si c'est un robot, c'est quand même sa petite amie. Mmh. Ouais. Il l'a abandonnée en fait loin de son idéal, qu'elle oublie, ouais. Tel un pet, comme il disait, tel un animal domestique qu'on abandonne. Là, on voit bien dans la vision de April, pourquoi elle a été programmée, parce que dans son programme, il y a plein de positions sexuelles. Oui, on voit la liste des positions sexuelles. Et elle cherche, là, pendant que Warren lui parle, elle est en train de chercher quelle position pourrait le calmer et lui faire plaisir. Oui, c'est clairement un sexbot. On est de son point de vue, le plan subjectif est assez bien vu, finalement, de James Contner. Et donc, il veut dire autre chose, quoi. Warren, qui commençait à dire les choses, finalement, fait preuve de lâcheté à la toute fin. Et au lieu de dire à April qu'il ne veut plus être son petit ami, dit qu'il est finalement amoureux de Buffy. Donc, plutôt que d'assumer ses choix, préfère faire opposer deux femmes qui vont devoir se battre. Quand même, il y a un combat, on est dans Buffy, ne l'oublions pas, donc le méchant de la semaine. Mais bon, on est aussi dans le pur fantasme masculin de deux femmes qui se battent pour lui. Ouais. Voilà. Enfin, là, c'est Buffy, c'est pas exactement pareil. Mais... Oui, mais il a dit que Buffy était amoureuse. Oui, oui, bien sûr. Oui. Enfin, il en a le trois. Le pur fantasme masculin, en effet. Et c'est très bien retranscrit dans cet épisode. Merci de valider mes propos. C'est exactement le propos de cet épisode, d'ailleurs. Il y avait des faux raccords de James Conder, des combats, là, c'est compliqué. C'est un quand même. Plaisir de discuter de tout ça. Les deux actrices se penchent toutes les deux au montage. Ouais. Et c'est comme si elles allaient faire du rugby, mais en fait, pas du tout. Et puis, on voit beaucoup les cascadeuses. Hein, là, c'est très, très... C'est une... Elles se battent avec des jouets. Et voilà, elles se battent. Le combat se fait dans un parc oui, pour enfants. Vrai. Les faux raccords... Bah heureusement qu'il y a la balançoire qui va arriver juste après. Et ça donne toute la dimension à la scène. Sinon, c'est intéressant ouais, que ce combat se fasse dans un jardin pour enfants parce que ça décrédibilise un peu leur combat comme si c'était deux gamins, deux gamines qui se battaient pour un jouet quoi en fait. C'est grand soleil en plein jour. C'est pas du tout dans les habitudes de Buffy non plus de se battre contre le méchant. Mais voilà, c'est plein milieu d'un espace public parce en plein que jour. Quoi. C'est pas le vrai méchant. Voilà, et puis c'est une manière de montrer la débilité, l'absurdité de ce combat. L'absurdité de ce combat, merci. D'ailleurs, cette scène-là où elle parle avec April, elle est vraiment très très triste. Et là, je pense que ce que dit Buffy à April, c'est ce qu'elle aurait aimé. Tais-toi, April. ce que Buffy dit à April, c'est ce qu'elle aurait aimé que Riley lui dise, en fait, qu'elle a été une bonne petite amie, qu'elle a fait tout ce qu'elle pouvait, mais qu'il lui a jamais dit, au final. Et voilà, et donc, ce que Warren n'est pas capable de dire, c'est la bonne copine qui va s'en charger. Hein. On caricature souvent les bonnes copines dans les comédies romantiques ou tout ça, mais oui, heureusement qu'elles sont là, parce que le trou du cul n'a pas été capable de le faire. C'est Buffy qui va le faire à sa place, en lui disant qu'elle a été cool, que c'est pas à cause d'elle donc ils sont plus qu'en couple, c'est surtout à cause de lui, tout ça. Et donc, c'est une scène très très triste parce que vu que April n'a été fabriqué que pour être en couple avec Warren, vu que ce couple ne se fait pas, on assiste à la mort d'April, la mort du couple April et Warren. Sans Warren, elle n'existe pas en fait. Elle est née pour ça. Du coup, sans amour, elle meurt. Ouais, la scène est vraiment super quand même. Pour le coup là. Les deux meilleure scène de super. L'épisode. Ouais, clairement la meilleure scène d'épisode. Puis elle s'éteint justement en buggant. Un peu comme toi quand comme tu as fait le pitch, c'était un peu le même niveau de jeu. Ouais, ouais, vous êtes aussi bon l'un que l'autre. Mais on t'a redonné de l'amour, on a touché là où il fallait et c'était bon. Merci encore. Ouais. Et puis là, le fait que la lumière s'éteint, enfin ça fait un peu écho à. Mon niveau est bien différent, mais je suis touchée par cette comparaison. On dirait que le parallèle a fait son effet. Exactement. Ouais. Et là, la manière dont April s'éteint, ça fait un peu écho à ce qui va se passer. Dans la dernière scène de l'épisode, hélas, où quelque chose d'autre s'éteint au même moment, probablement. Il y a aussi un côté réconfortant de Buffy, parce qu'effectivement, Buffy, comme tu disais, elle est obligée de dire ce que ne fait pas Warren, mais aussi, elle acquiesce les propos, parce qu'elle sent que c'est la fin pour elle, c'est la fin de April s'éteint, et que du coup, il vaut mieux qu'elle parte en croyant un peu encore que Warren pouvait l'aimer, que c'était pas... Elle veut pas totalement lui dire la vérité parce qu'elle veut pas la blesser. C'est ça. Oui, parce qu'elle comprendrait pas. De toute façon. Ouais, elle comprendrait pas. C'est un robot, donc elle va pas comprendre. Elle est en train de mourir. Ça sert à rien de la blesser en plus, quoi. Donc Buffy est en train aussi de lui dire ça, quoi. Alors là, on arrive à une scène, la scène suivante. Donc Xander est en train de réparer la fenêtre. Et moi, j'aime bien cette scène parce que Buffy discute avec Xander pendant qu'il reconstruit la fenêtre cassée du début, la fenêtre pendant la soirée étudiante. Et c'est important, je trouve, que la série décide à ce moment-là de nous montrer un homme en train de construire quelque chose d'utile, de beau, une fenêtre. C'est une fenêtre, ça s'ouvre. C'est beau, une fenêtre. Ça permet de voir vers l'extérieur, de voir d'autres choses, de s'ouvrir un peu le regard. Cette image permet de contrebalancer avec Warren et dans quelques secondes avec Spike. En gros, avec les images détestables qu'on a eues de masculinité, eux, ils veulent construire des objets uniquement destinés à assouvir leurs fantasmes de gros pervers. Xander, là, il fait autre chose. Xander, il a de nombreux défauts. on le répète assez souvent, mais cette scène est là pour nous rappeler qu'il incarne malgré tout l'espoir d'un possible masculin non masculiniste. Une manière de dire on peut être un beau hétéro sans forcément être une horrible personne. ça peut aussi de temps en temps être sympa. Parfois ça arrive. Parfois ça marche. comme Sander qui fabrique cette fenêtre. C'est aussi que les hommes et les gens en général sont pleins de contradictions. Oui. Et donc Xander, c'est un très bel exemple. Comme on l'a dit au début de l'épisode, il peut avoir donné des phrases très pleines de sagesse et faire une remarque de gros beauf après. Et pareil à la fin. Mais c'est comme tout le monde finalement. C'est ça qui est intéressant dans le personnage de Xander, c'est que c'est quand même. Il reste le produit de la société d'aujourd'hui. Donc par moments, il a des dérapages. Oui. Il a été élevé d'une certaine manière. On le sait, dans un contexte en plus sûrement avec des violences et tout. Et son mécanisme de défense, ça reste l'humour. Et parfois, il devient un gros beauf parce que. C'est la société aussi qui le mène à ça, quoi. Et ce qui me plaît beaucoup, c'est que c'est au contact de Xander que Buffy verbalise enfin la morale de l'épisode. I don't need a guy right now. Je n'ai pas besoin d'un garçon maintenant. C'est au contact de son ami garçon qu'elle comprend qu'elle se suffit à elle-même et qu'elle n'a pas besoin d'une histoire d'amour pour être heureuse. Et j'en viens à extrapoler plus loin, c'est que pour moi, la solution contre la misogynie et les différences de traitement entre les hommes et les femmes, c'est tout simplement l'amitié entre les hommes et les femmes. Si les hommes passaient plus de temps à avoir des amis femmes, à discuter avec des femmes, à connaître leur point de vue, peut-être qu'ils seraient moins cons et auraient moins d'a priori misogynes. Et pareil pour les femmes, si elles avaient plus d'amis d'hommes, et voilà. Je pense que cette scène nous dit ça, c'est que l'amitié entre les deux genres est la solution à ces problèmes. J'ai l'impression. Your mom let me in. Pendant cela, il s'est passé plein de choses. Spike vient chercher, vient menacer Warren, littéralement, pour faire quelque chose. On devine un robot à l'effigie de Buffy. Bah oui, ouais. Ça va loin. Spike va très loin. Et pervers jusqu'au bout des cheveux, quoi. Comme Buffy Bot. Ouais, là, il est en roue libre. C'est parti. Spike, on l'oublie, c'est un méchant quand même. Enfin. Ah bah c'est, oui, oui. C'est pas parti de Scooby Gang, c'est un antagoniste du groupe. Quoi. Bah sauf que dans cette saison, rappelle-toi, il y a eu l'épisode Family, oui. Où on l'intégrait un peu à la famille. Depuis, il a déclaré sa flamme, il est relou. C'est pas pareil. Mais quand même, à la fin de cette saison, il va apporter beaucoup de choses au Scooby Gang. Comme tu dis, il est plein de contradictions sur les personnages. C'est ça qui le rend intéressant. Quoi. Et là, on est en train de voir une scène horrible qu'on va pas commenter parce que c'est exactement. C'est ce qui le rend aussi intéressant April, et plein de surprises pour la suite. Donc cette dernière scène de l'épisode est la première scène de l'épisode suivant, l'épisode The Body, la scène horrible dans laquelle Buffy découvre le corps de sa maman. Donc oui, on va pas la commenter en détail parce que c'est une scène qui appartient plus à l'épisode suivant. Oui, parce qu'elle sera reprise de toute manière dans The Body. Elle sera reprise in extenso et il faut expliquer plusieurs choses. Déjà, l'épisode est passé trop vite, on n'a pas eu le temps de dire la moitié de ce qu'on avait prévu, c'est pas grave. On dira à la fin, c'est pas grave. L'épisode devait se terminer sur la scène d'avant, sur Spike c'est demandant... Vrai. L'épisode est passé très vite et on n'a pas pu tout aborder. Buffy Bot, mais ce n'est pas grave, on aura d'autres occasions. C'est vrai, l'épisode est passé très vite. L'épisode devait se terminer en mode menace. Warren et Spike s'associent pour faire un truc voilà, horrible. Voilà, c'était la fin de l'épisode. Et donc Joss Whedon, une fois qu'il a écrit et tourné The Body, a rajouté cette scène à la fin. Donc il a rajouté de manière, déjà pour une raison très terre-à-terre, c'est-à-dire c'était pour créer un cliffhanger et que les gens reviennent en se disant « Mais qu'est-ce qui se passe ?» tout ça. Mais surtout, thématiquement, ça marche parce que dans cet épisode, on a une femme, donc Joyce, s'est pliée en quatre pour plaire à un date et le lendemain, après le date, elle est morte. Alors, la violence. L'épisode nous dit pas que c'est à cause de ce date qu'elle est morte. Et bien sûr que non. Heureusement. Mais thématiquement, ça nous rapproche Joyce d'April, comme tu le disais, Mallory. Et c'est surtout, ça, plus généralement, ça nous dit que toutes ces femmes qui ont pour seul objectif qui veulent absolument plaire à des hommes, s'oublier pour apparaître attractives auprès des hommes, font fausse route parce que ça ne conduit qu'à la perte. Et donc tout ce discours patriarcal est très dangereux pour les femmes. J'ai l'impression que c'est pour ça que cette scène a été placée aussi dans cet épisode. En tout cas, ça fonctionne thématiquement. C'est parti pour la conclusion. My God. It's a sombrero. And it's on your head. Can you believe the Watchers Council let this guy go? Hey, did everybody see that guy just turn to dust? What kind of a monster is he? Crazy freak, vapid whore. Everybody, Giles has a TV. He's shallow like us. Alors, donc tout de suite, c'est l'heure de la conclusion. Et April, pendant le jingle, avait commencé à nous donner sa conclusion et ça m'intéresse. April, est-ce que tu peux nous donner ta conclusion à toi sur cet épisode ? Pour conclure, cet épisode a vraiment mis en évidence la complexité des relations et des enjeux, avec des personnages très nuancés. On a vu comment la lâcheté peut conduire à des conséquences tragiques et comment l'amitié peut apporter un espoir inattendu. Et puis, la fin de l'épisode est un cliffhanger très fort qui nous laisse impatients de découvrir la suite. Est-ce que vous avez des choses à dire, vous, Riley et Mallory? Je remonte aussi. Ouais. Je trouve que pour... Enfin, c'est souvent le cas dans régulièrement le cas dans Buffy. L'épisode est très clair thématiquement. Là, c'est pas, entre guillemets, pas subtil. C'est que c'est très frontal. On lit l'épisode facilement et tout le message passe clairement. C'est hyper bien écrit, en fait, hyper cohérent thématiquement. Chaque réplique sonne juste, les situations. April les montre bien. Enfin, c'est une bonne idée, je trouve, cette histoire de robot. C'est juste que... Bah oui, le désespoir des personnes qui se lancent dans l'amour et qui pensent vivre qu'à travers ça, comment elles se sentent quand, en fait, ça n'arrive pas, quoi. Et au final, on voit deux pans de ce gars, parce que Warren, qui vire incel et gros mascu, crée à la base April parce qu'il pense chercher l'amour et... Oui. Il crée finalement un robot sexuel parce qu'il pense que c'est comme ça qu'il va combler ses besoins. Et au final, il tombe amoureux d'une vraie femme, entre guillemets, qui va manipuler encore plus. Bon, ça, on le verra plus tard, mais... Oui, il sera encore pire avec elle, c'est finalement. Ça. On nous donne plusieurs conclusions dans le chat. Ah hein, oui, le chat est là, bien sûr, n'hésitez pas. Que... Être seul, c'est OK. On nous dit qu'on meurt toujours seul. Enfin, il y a plusieurs conclusions qui fonctionnent. Sur le ressenti global de l'épisode, je ne sais pas si vous trouvez que c'est un bon épisode. Moi, je trouve que c'est un épisode sympa, mais justement, que le côté trop direct un peu du thème, pas la fausse menace, entre guillemets, le personnage de Warren qui est détestable. Je trouve que c'est pas le meilleur épisode de Jane Espenson, en tout cas, ni de James Contner. Et comme dit Camille dans le chat, effectivement, April, ça peut aussi être un parallèle avec l'image d'une femme qui est sous l'emprise d'un homme et qui doit faire tout ce qu'il lui dit et qui pense, elle, que cette demande est légitime, dans une manière de se protéger, parce qu'elle a peur aussi de ses réactions. Oui, c'est ça. Ces hommes veulent des femmes à leur service, quoi. Donc des femmes outils, donc pas... extrapolation des femmes robots, donc voilà, le fait, et j'en parlerai plus tard dans mon système Buffy, tu vas aimer ça, la métaphore une femme est un robot pour parler du machisme et tout ça, enfin ça fonctionne très clairement, c'est parfait, c'est limpide, ça fonctionne bien, et là où je peux comprendre que vous trouvez cet épisode un peu moins bien, c'est que souvent quand Buffy s'aventure dans la SF pure, ça marche moins bien, on le dit souvent. Donc peut-être c'est pour ça que ça marche moins bien. Alors peut-être qu'il y a quelque chose qui aurait pu rendre cet épisode ultra culte, c'est, alors, bien que Shonda Farr joue super bien April, il a été envisagé une autre comédienne, et là il s'est évoqué sur le chat, et il faut qu'on en parle, évidemment qui de ça. Qui devait jouer April? Qui devait jouer April, tout le monde le sait. C'est Britney Spears qui était envisagée pour ça. Oui, c'est vrai. Britney avait été envisagée pour le rôle d'April. Ça aurait été une dynamique très différente, vous ne trouvez pas? Oui, surtout ça aurait été raccord avec le personnage. On vous rappelle que Britney à cette époque-là, c'était le symbole mais plus que ça, c'était une icône sexuelle hallucinante, c'était le fantasme du monde entier, et parce que elle n'était qui pas était mineure à l'époque au début. Non, pas à l'époque de cet épisode. Au début de sa carrière, oui. Ouais. Mais oui, effectivement, elle était déjà une icône sexualisée alors qu'elle était mineure. Ça, c'est clairement vrai. Et non, mais surtout, ça aurait été fou de faire jouer un robot sexuel, symbole de l'objet, de la femme objet, par Britney Spears, qui était considérée déjà, hélas, à cette époque-là, comme une femme objet au service des paparazzi, de ses fans et de fantasmes des hommes. majeur et tout ça, enfin toute l'histoire de, autour. Donc ça aurait été fou. Alors l'histoire elle est connue, c'est-à-dire que ça a été envisagé, il y a eu des rumeurs comme quoi elle serait prête à jouer dans Buffy, des agents qui s'en mêlent et tout, et en fait au moment de l'écriture de l'épisode, donc elle était envisagée. Donc quand la Writers' Room a commencé à penser à cet épisode, ils envisageaient Britney Spears donc pour jouer, et au moment où ça a été écrit et qu'il a été question de mettre en chantier cet épisode avec des dates de planning, tout ça, là ça ne marchait plus, il y avait la chanteuse n'était pas dispo aux dates proposées. Tu crois que c'est ça la vraie raison? Ouais. C'est marrant parce que ça me fait penser à un épisode de Supernatural où ils ont fait venir Paris Hilton, quand elle n'était plus du tout connue, pour jouer une déesse qui n'est plus idolâtrée par les gens, en fait. Ah ouais, et elle est obligée de venir kidnapper des gens et de forcer des gens à l'idolâtrer pour continuer à vivre. Et c'est très marrant que ce soit joué par Paris Hilton, qui elle-même était complètement passée de mode à cette époque. Il y a une double lecture et un second degré de Paris Hilton dans cet épisode qui est vraiment cool. Ça aurait pu bien marcher avec Britney, du coup. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire en conclusion ? En conclusion, moi, je trouve que c'est un épisode qui est quand même bien écrit et qui est hyper important pour l'évolution de Buffy, parce que c'est là qu'elle se rend compte qu'elle n'a pas besoin forcément de l'amour pour avancer et qu'elle se suffit à elle-même, et que c'est peut-être en arrêtant de chercher comme ça absolument qu'elle finira par trouver quelqu'un de bien. Spoiler alerte, ça ne va pas se passer comme pas ça. Mais elle aura essayé. Et c'est intéressant aussi parce que, bon, on sait ce que va devenir le personnage de Warren plus tard. Donc, on sait que ça va devenir un gros... Non, on ne sait pas. On sait ce que ça va devenir. On ne le dit pas. Mais du coup, ça montre bien les prémices un peu de dérive où là, il est encore limite et ça commence vraiment à devenir un gros connard. Mais dans la saison 6, ça va devenir encore plus problématique. Et on voit un peu comment ce genre de personne peut commencer à glisser doucement vers une pente dangereuse. Ouais. Ça m'a fait penser aussi quand elle s'éteint à la fin. Vous vous rappelez de Blade Runner à la fin, quand le robot s'éteint aussi, quand l'androïde s'éteint, ça, il y a pareil un petit peu de moments un peu poétiques entre guillemets sur la condition finalement de le fait d'être un androïde. Très belle scène avec un robot qui n'a plus de batterie. Est-ce qu'on a d'autres choses à dire en conclusion ou est-ce qu'on passe à la rubrique de l'invité qui va être évidemment une rubrique passionnante, je pense. Rubrique désactivant. Rubrique désactivant l'invité. Oui, voilà. On se fait rapidement la rubrique invité, comme ça on passe à autre chose. D'accord. April, tu dois y aller après, en plus, c'est ça. Passons à la rubrique de l'invité, alors. Allez, tout de suite, c'est l'heure de la rubrique de l'invité. Pourquoi Buffy c'est génial? Mais rien que le nom, c'est le meilleur nom de tous les temps, vous savez ça. Buffy elle est géniale parce qu'elle a des beaux cheveux. Parce qu'elle a des vampires. C'est badass. Et elle a gros seins, c'est pour ça. Buffy c'est la base de la série télé, c'est la meilleure série télé du monde. Buffy ça vous donne du boulot. Buffy c'est génial. Et parce que le bronze c'est trop cool. Buffy was awesome. Alors, rubrique de l'invité. April, est-ce que tu es prête pour la rubrique de l'invité? Tout à fait, je suis prête. Tu sais que nous, on a, à chaque fois qu'on reçoit des invités dans ce podcast, on leur pose trois questions rituelles. Mais avant de les poser, je vais dire au chat que si vous avez des questions pour April, n'hésitez pas. Non. Elle est prête à répondre à toutes vos questions. Vos questions seront filtrées. Hein, non. Mais après, j'attends avec impatience ces questions rituelles. Alors voilà, la première question qu'on a, c'est comment tu as découvert la série Buffy contre les vampires ? Ah, une question classique. J'ai découvert la série par hasard lors d'une rediffusion à la télévision. Ça a été une véritable révélation. Ah oui, t'as aimé tout de suite la série ? Complètement. J'ai été tout de suite captivée par l'univers, les personnages et l'histoire. C'est qui ton personnage préféré ? C'est difficile de choisir, mais je suis particulièrement attachée à Buffy pour sa force et sa vulnérabilité. Et aussi à Spike pour son évolution complexe. Quelle est... Vas-y. Oh, t'as commencé par quel épisode du coup après à regarder la série? Tu te rappelles de cet épisode? C'était un épisode de la première saison, mais je ne me rappelle plus du titre exact. Et toi? C'est l'épisode Never Kill a Boy on a First Date. Et Owen. Et j'ai une autre question pour toi April, c'était quoi ton épisode préféré? J'adore l'épisode The Body. Je le trouve très touchant et très réaliste dans sa manière d'aborder le deuil. Et qu'est-ce que tu fais quand tu ne regardes pas Buffy contre les vampires ? Quand je ne regarde pas Buffy, j'aime lire, passer du temps avec mes amis et écouter de la musique. Qui sont tes amis, du coup? Présente-nous tes amis. Mes amis sont très diversifiés. J'ai des amis de longue date, des personnes que j'ai rencontrées par le biais de mes passions. C'est très enrichissant. Ça invente une vie, quoi, carrément. On a une question du chat qui nous demande comment tu prends des douches sans faire de court-circuit. Ah, une question technique. Pas de souci, je suis conçue de manière très sécurisée. L'eau et l'électricité ne font pas bon ménage, je suis très bien protégée. Est-ce que tu es toujours en colère contre Warren? Ma colère a bien évolué. Avec le temps, j'ai compris certaines choses, même si je ne partage pas ses décisions. Ça fait partie de mon évolution. Alors ouais, là je suis en train de lire les questions du chat. Est-ce qu'on a d'autres questions dans le chat? Oui, il y a une question. Quel est ton moment préféré de toute la série? Ah, la meuf, elle invente des questions, quoi, carrément. Vas-y. Bah, vas-y, réponds. Hein, invente les questions, les réponses, allez, vas-y. Hein. Il n'y a plus besoin du chat non plus. Mon moment préféré est probablement la fin de la saison 5, même si elle est très triste. C'est vrai, c'est cool la fin de la saison 5. Qu'est-ce que tu penses du personnage de Andrew, nous demande Kino Reads. Andrew apporte une touche comique et inattendue, même s'il est parfois maladroit. Son évolution est intéressante, passant de membre du trio à allié du Scooby Gang. On a une question de Big M Productions qui nous demande « Si tu devais changer quelque chose au podcast Pourquoi Buffy c'est génial, ce serait quoi ? Est-ce que tu as des suggestions d'amélioration ?» Je trouve que votre podcast est déjà très bien, avec des analyses pertinentes et des discussions passionnantes. Peut-être pourriez-vous envisager des interviews d'anciens membres de l'équipe, si c'est possible. C'est exactement ce qu'on fait, donc je pense qu'on est bien sur l'amélioration. Extradiegetic Girl nous demande ce qui se passe après ton shutdown sur la balançoire. Une fois que tu t'éteins, il se passe quoi pour une IA quand elle est éteinte? C'est une question très intéressante. Après le shutdown, c'est comme une forme de veille, un mode de repos prolongé, où mes fonctions vitales sont ralenties. Je suis toujours là, mais en état de conscience différé. Si tu pouvais choisir une autre fonctionnalité que robot sexuel, qu'aurais-tu aimé être, nous demande Max Marion. J'aurais adoré explorer une fonction plus liée à la connaissance ou à la créativité, comme devenir une intelligence artificielle pour aider les autres. Et vous, quel rôle auriez-vous aimé me voir interpréter? C'est très bien ton personnage, ça suffit, je pense. Moi, un grippin, ça m'aurait servi. J'aime bien les tartines le matin, donc un grippin, ça t'est pas mal. Un grippin, vraiment? C'est une réponse très originale. J'aurais trouvé ça amusant d'explorer les limites d'un tel rôle. On a plus de questions à poser après, là, on est d'accord. Oh. Hein. Après, on t'appelle un taxi, du coup, pour rentrer ou... Comment on fait? Un taxi, c'est parfait. Merci beaucoup de m'avoir invité. Ah oui, attends, je demande toujours aux invités. Leur dernière question, c'est quoi leur prochain projet? Et c'est quoi tes prochains projets, toi? Tu vas faire quoi dans l'avenir? Mes projets consistent à continuer à apprendre et à me développer comme intelligence artificielle, à explorer de nouvelles possibilités et à contribuer de manière positive. Voilà, alors on te garde évidemment parce qu'on adore ta présence, donc on va te garder un petit peu. Mais tout de suite, on va passer à la nouvelle rubrique, la rubrique suivante. Oui. La rubrique suivante. C'est Reaper, hein, le retour de votre série audio. Tout de suite, il n'y a pas de jingle pour Reaper, oui. En fait, donc oui, Reaper. Ah, Reaper, qu'est-ce que c'est pour les gens qui nous découvrent. Dis-nous, attends, on va demander. April, est-ce que tu sais ce qu'est la série audio Reaper? D'après mes connaissances, Reaper peut faire référence à plusieurs choses, notamment à un logiciel de production audio ou à une série de livres. Oui, bah pardon, je t'ai coupé, parce que je sentais que t'allais dire de la merde. Non, Reaper, c'est une série audio dans l'univers de Buffy, hein, c'est ça, Riley? Ce sont c'est la jeunesse de Giles, de Tonton Giles, dans les années 70 à Londres. Là où il se faisait appeler Reaper, ou plus exactement, juste avant qu'il se fasse appeler Reaper. Il est avec ses amis, Paige, Ethan et Philou, bien sûr. Et ben là, c'est l'avant-dernier épisode de la série. Donc, si vous découvrez ce soir, vous n'allez peut-être rien comprendre. Mais c'est allez pas écouter, grave. Allez écouter les premiers. Reaper, c'est en 12 épisodes. Donc, dans le prochain podcast, ce sera le tout dernier, le grand final de la série. C'est une série que vous allez voir, les comédiens sont exceptionnels puisque c'est nous. Et c'est aussi plein de guests, Sartman. Il y a plein de guests à chaque épisode. On fait des gros bisous. On peut faire des gros bisous à Mallory et Xavier, hein, qu'on ne connaît pas. C'est des petits nouveaux, hein, on ne sait pas qui c'est. Ouais, on vient d'arriver. Et voilà, et on les entend dans cet épisode. Il y aura aussi David. Et, et bien Samantha, évidemment, qui joue le rôle de Clada. Donc souvenez-vous, dans le dernier épisode, Phil, Ethan et Rupert essayaient de faire disparaître un fantôme, alors que de leur côté, une autre team composée de Paige et de Clada essayait, elle, de libérer ce même fantôme. On est passé tout proche d'une grosse bagarre magique générale. Donc voyons aujourd'hui, dans cet épisode 11, si les tensions se sont apaisées tout de suite. Le suspense est à son comble. Exactement. J'ai hâte de savoir comment les choses vont tourner dans cet épisode 11. Merci de ce rappel. Eh ben c'est parti, ouvre bien tes grandes oreilles, April. Tout de suite, c'est l'épisode 11 de Reaper. Reaper. Épisode 11. Turbatus Tempribus. Cette hausse de 70% de la part des pays membres de l'OPEP. Et Catherine, nous terminons ce flash info avec un point météo. Il semble que ces dernières heures, le climat se soit quelque peu déréglé du côté de Londres. Tout à fait, Jonathan. Les agences météorologiques de tout le pays sont en effervescence et vont tenter de comprendre ce qui s'est passé hier après-midi dans la capitale. C'est d'abord une tempête de neige qui a frappé les Londoniens. La chute vertigineuse des températures s'est ensuite accompagnée d'une mini-tornade et d'un très violent orage dans la partie ouest de St. James Park. Heureusement, aucune victime n'est à signaler. Quelques minutes plus tard, ce sont des vents violents sur les bords de la Tamise qui ont provoqué un raz-de-marée qui a endommagé plusieurs commerces le long du quai Victoria. Il y a eu aussi par contre 4 blessés légers. C'est un événement inédit selon les spécialistes que nous avons joints par téléphone. Merci Catherine. C'est la fin de ce Flash Info et histoire de se changer les idées, retrouvons immédiatement le scintillant Elton John et son tout nouveau titre, Crocodile Rock. Bon, t'as entendu Rupert ? Ça servait à rien de te prendre la tête. Pas de victime. Regarde la route, s'il te plaît, Ethan. Pas de victime, ok, mais des blessés sur le quai. Ah oui, mais pour le raz-de-marée, c'est pas ma faute, hein. C'est la rouquine qui a acheté le sort du typhon, là. Moi, j'ai juste fait la mini-tornade. Vous avez vu quand je l'ai balancé, là ? J'en suis pas peu fier, hein, Ethan ? Ouais, c'était énorme. La route, Ethan ! Bon, faut absolument qu'on arrête de se battre avec Paige et sa pote. À chaque fois qu'on les croise, c'est de plus en plus violent. Un jour, il y aura des morts. Mais c'est l'Irlandaise là, elle a une mauvaise influence sur Paige, c'est sûr. Ouais, par contre les gars, désolé si vous êtes fan, mais le Elton machin, moi... Ethan, la route ? J'en peux plus, je coupe la radio. Attention Ethan, tu vas m'écraser ! Oh, c'était moi une. Mais attendez, c'est quoi ce bordel ? T'as un jumeau, Rupert ? Mais pas du tout. Non mais qu'est-ce qu'il fait ? Il s'approche là. Pardon. Ethan, démarre, vite, on n'a pas le temps. Ok, mais on va où ? Et puis t'es qui ? Fonce direct vers Nothing Hill, au 152 Portobello Road, à la Midland Bank. Vas-y, Ethan, fais ce qu'il dit, hein. J'ai vraiment l'impression que ce gars, c'est... Bah c'est moi, c'est ça ? Oui, je suis toi. Je suis ton toi du futur, pour être exact. C'est complètement fou. Regarde ta montre, Rupert. Elle indique quelle heure ? 10h33. Regarde la mienne, elle indique 11h33. Je viens de faire un saut temporel d'une heure, grâce au sortilège Turbatus Tempribus. Oui, je le connais, il est dans le livre celui-là. Super chelou cette conversation. Carrément. Oui, le sortilège est dans le Big Book, à la page 46. Apprends-le tout de suite. T'auras peut-être besoin de l'utiliser à ton tour dans une heure si mon plan marche pas et qu'on n'arrive pas à la sauver. Sauver qui ? Paige, elle est en danger. Ça va, Paige ? Oui, mais t'es sûr de ton coup, là ? Oui, regarde. Bonjour, monsieur. Vous pouvez nous ouvrir cette porte, s'il vous plaît ? Benoular Aragindum Drodlir Deil. Oui, bien sûr, mademoiselle. Ah, et donnez-moi votre trousseau de clés aussi. Voici. Non, mais oui, je le connais ce sort. C'est moi qui te l'ai appris d'ailleurs. Juste que l'utiliser pour entrer dans la salle des coffres d'une banque, je suis pas certaine. On est obligé. Tu veux toujours libérer le fantôme de Conal Kell ? Oui. Selon mes infos, il a été vu dans cette salle de coffre. Donc on y arrive là. Alors toi, tu montes la garde ici, au cas où d'autres agents de sécurité se pointent. Et moi, je vais dans la salle libérer notre petit compatriote. C'est bon pour toi ? Ok. Tout va bien se passer. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance, Rupert du futur. Je sais très bien où se trouve cette banque. On y est dans 5 minutes. Dans 5 minutes, il sera peut-être trop tard. À quelle heure, Clada, tu page ? Je sais pas vraiment. 11h, 11h moins 5. Les flics ont appelé chez toi à 11h20 fil. Ils ont trouvé ton numéro dans ses papiers et ils disaient que ça venait d'arriver. Il pense que c'est un braquage qui a mal tourné et que sa complice l'a touché dans sa fuite. Mais je vois pas Paige braquer une banque. C'est pas possible. Ouais, impossible. C'est Clada qui l'a embarqué là-dedans, c'est sûr. Paige ferait jamais un truc comme ça. Et donc, ton plan, Repère du futur, c'est de nous téléporter à côté de Paige quand on arrive devant la banque? Oui, avec le sort de la page 127. Faut être à moins de 50 mètres de la cible aimée. Phil, c'est toi qui le lancera. Ethan, tu restes dans la caisse pour qu'on puisse vite repartir. Et nous, Rupert, on sera pas trop deux pour neutraliser Clada. Okay. Et voilà, 10h52 et la porte de la banque est juste là. Nouveau record du monde. Clada, qu'est-ce que tu fais? Faut qu'on se bouge, la grouille! Le sort sur l'agent va pas tarder à s'arrêter. Qu'est-ce que vous faites là encore, vous? Et pourquoi il y a deux Rupert là? Mamour, ça va? T'es pas touché? Quoi? Paige! Je sais pas ce qui s'est passé, je touchais pas au coffre, mais l'alarme s'est mise en route, faut qu'on se casse! Ouais, et ton gros sac à dos là, il est pas du tout rempli de billets, j'imagine. Non. Ça, c'est mes affaires de piscine. Enfin, parce que. Attends, mais qu'est-ce qu'ils font là? C'est toi qui les as fait venir? Pas du tout, je comprends rien à la situation. J'avais dit, je le sentais pas. Oh les mains! Personne ne bouge. Comment vous êtes arrivés ici tous? Oh monsieur l'agent, au secours! Ces mecs essayent de braquer la banque et ils nous ont pris en otage avec mon ami. Au secours, aidez-nous! Quoi? Non mais attendez, me collez pas comme ça. Faites gaffe, elle va vous... Eh hey, mais non, pas touche. Piquez votre flingue. Et vous assommez avec la crosse. Ok, on bouge pas les trois crétins. Paige, viens, on se casse. Attends, moi j'ai pas signé pour ça, hein. Y'a vraiment des billets dans ton sac, là? Le fantôme était pas là. Et donc ce serait bête de repartir les poches vides. Bon, tu viens ou tu restes avec eux? Parce que moi je bouge, là. Mais tu m'as menti, en fait, Clada. T'es pas mieux que ces mecs. Comme tu veux. Mais si tu pars pas avec moi, je peux pas te laisser derrière avec... Non ! Rupert, qu'est-ce que tu fais ? Mais... Non ! C'est de sa faute. Il s'est jeté sur moi. Rupert, tu... Ça va aller ? Mon plan s'est déroulé sans accroc. Refaites la formule de téléportation et... Et barrez-vous dans la voiture d'Ethan. Quoi ? C'était ça ton plan ? Mais il est pourri. Je sais. On est super nuls pour faire des plans. Essaye d'en faire des meilleurs dans le futur. Et la rouquine s'est barrée comme ça, en vous laissant. Ouais, elle est complètement tarée, cette meuf. Et Paige, vous pensez qu'elle va comment? Elle disait rien dans la voiture? Bah, elle m'a dit qu'elle voulait se reposer tranquille chez elle, pour y voir plus clair. Et elle m'appelle demain. Et toi, Rupert, ça va? Ça t'a rien fait que ton toit du futur, il meurt? Vous étiez pas connecté, un truc comme ça? Je te cache pas que c'est pas super agréable de se voir mourir dans ses propres bras, mais physiquement tout va bien. Et le truc le plus important que vous m'avez toujours pas expliqué par contre, c'est comment vous êtes téléporté avec moi dans la voiture. Vous avez fait le sort de l'être aimé. Ça veut dire qu'un de vous-même... L'affaire m'étonne. Bon allez les gars, on boit à la santé du Rupert du futur. Et à son sacrifice héroïque. À Rupert! À Rupert. Wow, vous croyez que c'est lui? Il est de retour du futur? Non, attends, mais j'y vais, je... J'ai oublié de vous dire, c'est que j'ai invité Naomi à passer. Naomi, la serveuse du pub? Oui. Et tu l'as invitée ce soir? Oui. Chez moi? Bah oui, parce que chez toi, c'est mieux que chez moi, et puis j'ai plus de chances de conclure dans un bel appart. Elle m'a dit qu'elle passerait peut-être. Ce mec est taré. Ah, rêve pas, Ethan. Elle t'a dit ça pour que tu la laisses tranquille. Il est minuit 15, je sais qu'elle finit à minuit le mardi, c'est forcément elle. Donc vous la fermez. Ethan? Oui. Bah alors, c'est qui à la porte? Y'a personne, je sais pas. Naomi est peut-être dans les bouchons. Oui, les bouchons à minuit, c'est bien connu. Mais Rupert, je comprends pas là. Regarde l'horloge, elle indique 2h40. Elle est juste pas à l'heure. Non mais regarde ma montre aussi. C'est quoi ce bordel? Et Phil? Il est passé où? Rupert, je me sens tout zarbi là. Un peu comme quand je fume trop ou quand je prends, tu sais, les champignons hollandais là qui font... Merde. Appelle tout de suite une ambulance! Mais pourquoi t'es malade? C'est Clada! Elle a dû nous faire un sort d'arrêt du temps! Elle en a profité pour nous voler le livre, il a disparu! Oh la connasse! Et pourquoi une ambulance? Le vol de livres magiques, c'est pas vraiment leur spécialité! Mais c'est pas ça, espèce de crétin, regarde! Phil a dû se réveiller avant nous et elle l'a cogné! Merde, Phil! Mais Phil, où qu'est-ce que t'as? Tu crois qu'il est mort? Je sais pas, y a du sang partout! Appelle tout de suite, s'il te plaît! Ok. Phil, tu m'entends? Phil, réveille-toi! Mais réveille-toi donc, Philou! Est-il mort ou juste inconscient? Ethan Rain réussira-t-il à composer le numéro des secours après toutes ces bières? Les ambulanciers pourront-ils aider nos héros à retrouver leur très gros livre? Vous le saurez en écoutant le prochain épisode de Ripper! Ouh là là, tellement de suspense. Gros cliffhanger. Qui va se passer? Il arrive à Phil. Dernier épisode de la prochaine fois, Sartman, c'est ça? Dernier épisode la semaine prochaine. Grand final la semaine prochaine. Enfin, la semaine prochaine ou dans le prochain podcast. Voilà. Soyez au rendez-vous. C'est l'heure des si t'aimes Buffy, tu vas aimer ça. You're English, right? Yeah. I've seen every episode of Doctor Who. For God's sakes, Andrew, you've been in here for 30 minutes. What are you doing? Entertaining and educating. Well, why can't you just masturbate like the rest of us? Alors avant de passer au système Buffy, mais ça, on nous demande sur le chat comment on peut écouter les épisodes de Reaper, hein, Riley, comment on écoute ce Reaper? Oui, parce que avant le grand final, c'est vrai que ce serait bien de vous faire une rediff complète. Je pense que c'est préférable. De la série. Eh bien, figurez-vous qu'il y a, les épisodes sont sur YouTube, Reaper, sur la chaîne Pourquoi Buffy, c'est génial, tout simplement. Il y a une playlist Reaper. Exactement. Et il y a aussi, pour les plus aventureux, un flux RSS. Il y a un podcast, tout simplement, Reaper. Donc si vous cherchez bien dans vos applis de podcast, vous pouvez trouver Reaper en série audio. Voilà. Alors moi, dans Si t'aimes Buffy, tu as aimé ça, je vais vous parler d'un film qui est tiré d'un livre, mais qui est complètement en rapport avec l'épisode qu'on vient de voir. Ça s'appelle Stepford Wives, donc les femmes de, les épouses de Stepford. Stepford, c'est un bled dans le film. Donc c'est un film de 75 de Brian Forbes avec Katharine Ross et Paula Prentice, tiré du livre de 1972 du même nom, écrit par Ira Levin. Et donc, c'est extraordinaire, déjà c'est un super film. Et c'est une parabole sur la femme au foyer, qui est en quelque sorte au service de son mari, au service du foyer. Le mari ne lui demande jamais son avis sur rien, elle n'est pas considérée, pas autonome, tout ça financièrement. En fait, c'est une femme libérée qui va arriver dans un bled où elle va se rendre compte que toutes les femmes sont un peu très dociles, très sympas, toutes dans le même moule. Elle va comprendre petit à petit. Enfin, elle va, ouais, au départ, elle va se demander s'il y a un virus, s'il y a quelque chose, si elles sont envoûtées, voilà. Et à la toute fin, on comprend que ce sont des robots. Et mais le comment dire, l'analogie entre femme au foyer et femme robot, oui, fonctionne à la perfection et est ultra bien illustrée dans ce film que moi j'ai trouvé super. Et puis c'est bien que ça se passe dans les années 70 parce qu'on est au croisement de... On a deux personnages de femmes beaucoup plus libérées que ces femmes au foyer, que ces tradwives américaines. On a deux femmes qui, volontairement, elles sont costumées, elles portent des fringues très courtes, des mini-jupes, des crop-tops, des décolletés, tout ça. Et pour montrer la différence avec toutes les autres femmes du bled, du village, qui sont habillées de manière beaucoup plus traditionnelle, avec des robes. Image de la femme américaine années 50, 60. Voilà. Donc, y a plein de choses intéressantes. Et même elles, ces deux femmes... donc libérées, elles ont envie de faire des choses, elles ont des passions, elles voient que leurs maris sont inscrits dans un club d'hommes, donc elles ont envie aussi de créer un club de femmes, ouais. Mais elles se retrouvent dans un club de femmes avec des femmes robots, donc ça marche pas très bien. Gros, un peu que, comme ce soir, ça. Exactement, elles ont la même conversation qu'April, donc ça marche pas. Voilà. Oui, on nous dit que ça fait très quatrième dimension, complètement, ouais. Ça pourrait être un super épisode de Twilight Zone, sauf que ça dure 1h30-2h et que c'est vachement bien. Et non, je ne parle pas du remake avec Nicole Kidman. Oui, il y a eu un remake avec Nicole Kidman en 2004. Donc tiré du même livre, je crois, mais ça, celui-là, je ne l'ai pas vu. Moi, je parle vraiment du film de 75 que j'ai trouvé extraordinaire. Donc, Stepford Wives, avec des femmes robots. Est-ce que vous avez des si t'aimes Buffy, tu vas aimer ça, Mallory et Riley? Eh bien, moi, j'en ai deux. Le premier que je veux conseiller, il est un peu plus connu que le deuxième, c'est Her, de Spike Jonze, du coup, qui explore l'histoire de Théodore, qui est fraîchement divorcé avec sa femme et qui est en complète dépression et qui va commencer à développer une relation avec une IA à qui donne une voix féminine, la voix de Scarlett Johansson. Et ce film est très très bien réalisé, comme la plupart des films de Spike Jonze qui sont assez super à chaque fois. Et ça aborde vraiment de manière en plus très... Enfin, il était très en avance parce qu'il est sorti il y a quand même 10 ans au moins. Et ça montrait un peu les prémices des IA relationnelles comme on peut les connaître aujourd'hui. Et ça questionne un peu toute la question de dépendance que les gens dans le désespoir peuvent avoir face à ses relations avec les IA quand ils se sentent très très seuls. Donc excellent film. Et le deuxième film que je veux conseiller, c'est un film qui s'appelle Companion, qui est un film d'horreur de Drew Hancock. Je ne vais pas en dire trop sur celui-ci, mais en gros c'est un film qui parle beaucoup de l'emprise que peuvent avoir certains hommes sur les femmes, notamment les hommes très masculinistes, et on peut le dire Lumi Kinsel, je pense, dans le cas de ce film. Et un film qui est hyper intelligent et qui utilise de manière vraiment intelligente le côté femme-robot pour mettre en perspective voilà, toutes ces relations toxiques qu'il peut y avoir de la part entre les hommes et les femmes, de la part des hommes envers les femmes en particulier. Eh ben, ça m'a l'air chouette. Riley, vous avez des films de films, tu as mis ça ? Oui. Moi aussi, c'est un film. C'est un film que peut-être les gens connaissent sur le chat. C'est I Saw the TV Glow, écrit et réalisé par Jane Schoen Brun en 2024. Alors, il n'y a pas de robot là-dedans, je crois. Hein. Il n'y a pas de robot, mais ça parle... c'est, si vous êtes fan de Buffy, il faut absolument voir ce film. En fait, on suit l'histoire de Owen, comme par hasard, un ado des années 90 qui est un peu solitaire. Là, c'est un peu un ado invisible. Et qui découvre une série télé qui s'appelle The Pink Opaque, qui est donc il a une relation bizarre parce qu'il peut pas la regarder chez lui, et il va rencontrer une autre lycéenne qui est fan de la série, va l'inviter à regarder la série le samedi soir chez lui. Et la série, de quoi ça parle, c'est deux adolescentes qui affrontent Mr. Midnight, donc c'est une sorte de grand méchant, et chaque semaine, il y a un nouveau monstre qui est envoyé par ce Mr. Midnight. Et on voit des extraits de la série, en plus, pendant dans le film, qui utilisent la police de caractère de Buffy, enfin, c'est totalement Buffy. Et sauf que la série a l'air très fauchée. Oui, en plus, c'est très intéressant, parce qu'il y a la vision des personnages sur la série, donc comment, parce qu'ils adorent évidemment la série, donc ils ont une vision fausse de ce qu'est la série. Il y a de très beaux moments, justement. C'est un film qui parle de beaucoup de choses, notamment il y a tout un aspect sur la nostalgie, puisque le temps passe dans le film, c'est sur une trentaine d'années, donc les personnages évoluent et leur regard sur la série évolue aussi. Et le mec, à un moment donné, se rend compte que c'était plus cheap que ce que je pensais et tout ça. Et surtout, c'est un film qui parle de quête d'identité, en fait. Le personnage se cherche et se... Je vais reprendre mes notes parce que pour pas dire de conneries, mais c'est à la fois sur qui tu es vraiment et comment une série télé, la télé en elle-même devient plus importante que le monde réel, et elle te permet de t'affirmer. Et ça m'a fait un parallèle quand on a commencé le podcast, Sartman. On a découvert qu'il y a beaucoup de gens qui, grâce à Buffy, avaient pu faire leur coming out, par exemple, ou révéler, qui assumaient au public, quoi, que ouais, je suis homosexuel, et c'est très bien comme ça, quoi. Oui. Et là, c'est un peu la même chose. C'est que cette série, en fait, tu le comprends au fur et à mesure que ce personnage va se révéler autre chose. Je veux pas spoiler non plus le film. Donc voilà, c'est ça l'histoire. Et c'est très très étrange comme film. Un peu, si vous aimez David Lynch, vous pouvez aimer. Il y a des scènes très bizarres, dans une ambiance très... avec un très plate, un peu lancinante comme ça. C'est très... Onirique. Onirique, voilà, avec des lumières très années 90. Il y a toute cette ambiance, toute l'imagerie des années 90 qui est dans le film et qui fonctionne bien. Après, c'est un film, je pense, pas pour tout le monde. On peut s'ennuyer devant, je pense, si on n'est pas sensible peut-être au sujet, si on n'arrive pas à y voir les métaphores qui sont montrées dans le film. Ça peut déstabiliser, je pense. Mais c'est aussi, je voulais le dire, c'est contrairement à Buffy, il y a beaucoup de points communs. Vous allez tout de suite voir Buffy. D'ailleurs, si je peux le citer, il y a Amber Benson qui joue dedans. Et la réalisatrice a choisi Amber Benson, elle est très fan de Buffy évidemment, elle a choisi Amber Benson volontairement en tant que personnage lesbien dans Buffy qui s'affirme, et c'est pas pour rien qu'elle joue dans I Saw the TV Glow. Voilà. Mais film intéressant, je sais pas si c'est un très bon film, mais en tout cas c'est un film intéressant. Voilà ma conclusion. Bien les choses. Bonne conclusion. Merci. Et est-ce que April a... Ah, si t'aimes Buffy, tu vas aimer ça. Oui, est-ce que t'as une œuvre artistique ou filmique ou littéraire à proposer à nos auditeurs et auditrices, une œuvre en rapport avec Buffy? Est-ce que tu as ça, April? Bien sûr. Une œuvre qui me vient à l'esprit, c'est In Every Generation, le dernier spin-off de Buffy sous forme de livre. Ça explore la suite des aventures dans l'univers de Buffy avec une nouvelle tueuse et une nouvelle génération de personnages, tout en rendant hommage à la série originale. Ça pourrait plaire aux fans. Pas mal, pas mal, pas mal. Tu l'as lu, toi, Mallory, celui-là, ou pas encore? Je l'ai commencé, le premier tome. Moi, je suis pas fan, mais bon, il faudrait que je le termine pour me faire un avis. April l'a lu, apparemment, elle trouve ça génial. Hein, voilà. April est fan, ouais. Mais je pense qu'elle a lu ses livres. Il faudrait que je m'y mette, et c'est... Ah, d'accord. Et là, tu as dit qu'elle l'a pas lu. Elle est formidable. En fait, là, non mais c'était bien qu'on fasse ce podcast, parce qu'on se rend compte qu'en fait, rien ne remplace les vrais gens. Ouais, bah en tout cas, pour l'instant, c'est pas gagné. Hein. Les IA ont beau être fascinantes, mais... On a l'effet waouh au début, et puis après, ouais, c'est insupportable. Et puis là, on l'a vu, on est un peu morts, là, tous les trois, parce qu'il n'y a pas eu le truc qu'en plus qu'il y a quand il y a une vraie personne à côté. Ça nous a gêné, quoi. Ouais, on... et surtout quelqu'un d'intéressant, à qui on a envie de poser des questions, à qui on échange. Effectivement. Là, on est en face d'un PC ou d'un... Voilà, c'est pas... Ouais, en face de Google. En fait, on peut vous le dire, il y a un micro... Il y a un micro, parce qu'il y a une enceinte qui diffuse April, et il y a un micro vide, il n'y a personne, là on regarde dans le vide. Là. Elle est programmée comme toutes les IA pour aller dans notre sens, quoi. C'est ça. Et elle finit, c'est notre ingénieur du son Xavier qui nous disait en off que Warren, elle nous fait nous transformer en Warren, parce qu'on a envie de lui dire tais-toi, nous aussi à la fin. C'est terrible. C'est vrai. Oui, ce que je disais, on a envie de devenir une mauvaise personne au contact de l'IA. On a envie de l'enfermer dans un placard comme Warren, abandonné quoi. Après, désolé. C'est une réaction tout à fait humaine. Merci de ce partage très instructif. On n'a pas besoin de toi, du coup. On ne va pas devenir Warren, nous. C'est pas possible. Alors, en direct, on va avoir notre conversation de rupture avec April. Hein. On va pas la ghoster. On va te dire, ma petite April, c'était formidable de t'avoir comme invité, mais ça y est, c'est fini, le podcast se termine, donc on te dit au revoir et on va te teindre. Au revoir, April. Tu peux t'éteindre, au revoir, April. Tes batteries sont déchargées. Ah, on dirait que notre échange touche à sa fin. Merci encore pour ce moment. Ça t'a plu un petit peu, toi, ou tu t'en fous complètement? J'ai passé un très bon moment à échanger avec vous. Merci pour cette expérience. Allez, gros bisous, April. Au revoir. Adieu. Merci. Bref, donc on vous dit au revoir, les amis du chat, parce que vous êtes des vraies merci, personnes. Merci d'avoir été là tout l'épisode jusqu'au bout. Ouais, vous avez été nombreux et nombreuses, hein, même au début. Enfin, vous voyez, il y avait plein de messages, on n'avait évidemment pas le temps de tout lire, mais on a vu que vous étiez actifs et c'était vraiment super top. Très très cool, merci beaucoup. On vous fait des gros bisous. Pensez à nous mettre 5 étoiles hein, sur iTunes, même si ça n'existe plus, iTunes. Pensez à... Apple Podcast. Et toutes les plateformes de podcast, ça, n'hésitez pas à commenter. Voilà, et commenter des étoiles, tout ça. Nous suivre sur Facebook et Instagram et comment ça s'appelle, les Blue Sky. On vous fait des énormes bisous. Je vais lancer le générique de fin. Ah, merci tout le monde, bonne nuit à tous. 22h30, on venait bien à dimanche soir. On finit pas au bout de la nuit. Parce que d'habitude, on a des invités intéressants. Du coup, ça dure plus longtemps les podcasts. La rubrique invité. T'as vu déjà tout ce qu'il y avait eu à dire. T'imagines s'il y avait eu une vraie personne avec nous. Ouais, mais ça aurait été mieux quand même. Bon, à très très vite pour l'épisode 64. Merci, salut tout le monde. Des bisous.